Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la Cabine Bleue, le premier podcast belge dédié à Doctor Who. Je suis Tonton Sonde et aujourd'hui nous nous attaquons à notre sixième épisode qui portera sur le septième épisode de Doctor Who. C'est tout à fait logique, voyons. The Long Game. Oui, c'est ça. Je suis avec Al. Eh bien, coucou tout le monde. Ah, le fourbi. Il cite quelqu'un, mais il montre quelqu'un d'autre. Ah ouais. Et avec Harry. Oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je parle aux gens. Voilà, bah, tu as bien raison. Alors, on fait un petit conducteur de l'émission avant de se lancer dans... Faisons donc un conducteur. Tout d'abord, on va faire un petit point sur les réseaux sociaux. Ensuite, on entrera en proposition de pop culture, on peut dire ça comme tout ça. Tout à fait, ouais, ouais. Puis nous aurons notre débat, puis une petite chronique, puisque je rajoute de plus en plus de chroniques parce que notre autre émission qui est en stand-by pour le moment, l'émission qui s'appelle L'Antidote à l'ennui, est en stand-by. Et coup, ça nous manque. Ça me manque énormément. Du coup, j'ai décidé de parasiter la cabine bleue jusqu'au redémarrage de l'autre émission. Et ensuite, on partira en critique habituelle de l'épisode. Tout d'abord, pour les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Twitter, @aristo_antidote. C'est utile parce que, alors, je vous rappelle quand est-ce qu'on enregistre, les possibles retards, ce genre de choses, s'il y a des soucis. Et vous pouvez nous donner du feedback. Et j'aimerais beaucoup que les gens nous donnent du feedback. Je pense que ça pourrait être utile pour un petit peu s'améliorer, voir ce que vous pensez, et puis quels sont vos avis sur les débats que nous avons en ondes. Et voilà. Et puis ça fait plaisir. Oui. Vous pouvez également nous suivre, en tout cas vous abonner sur la plateforme PodCloud. Tout à fait. Nous mettre 5 étoiles sur iTunes afin d'aider au répertoriation. Au référencement. Voilà. Vive le français. Les podcasts les plus, les mieux notés auront un meilleur référencement et ça me permettrait d'être un peu plus visible. Pour et d'attirer plus de monde dans nos pièges. Tout à fait. Et donc voilà. Est-ce qu'on part éventuellement en recommandations culturelles? Eh bien, faisons ça. Tu peux commencer, s'il vous plaît. Bien je sûr. J'ouvre ce pop-corner. Oh, c'est pas mal ça, pop-corner. C'est mais vrai. Je crois que ça existe. C'est joli. Ah, je voulais appeler notre émission à la proposer pop-corner. Pour, Et puis je me suis dit, merde, c'est genre un magasin ou un truc du genre. Je me suis dit, la baise. Je pense avoir une bonne idée, ben non. C'est une bonne idée, déjà prise. Voilà. Ah. Comme je voulais qu'on s'appelle Orson Welles, parce que je trouve que le nom est vachement, vachement swag, mais il y en a un qui est connu. Ou Jurassic Park, je sais pas pourquoi, mais c'était sympa. On t'écoute. Commençons. Recommandation, les films. Je ne sais pas si vous avez vu. La bande-annonce des Gardiens de la Galaxie volume 2 est sortie. Je n'ai pas vu, j'ai vu quelques images, j'ai lu quelques articles et ils mettaient des images, mais aucune vidéo et j'ai préféré ne pas regarder la bande-annonce, tout comme pour Rogue One qui sort. Il sort mercredi prochain. Voilà. J'ai réussi à avoir aucune bande-annonce. C'est ça, je me suis privé un maximum. J'ai regardé un petit peu, voir le ton quand même. Ouais. Et le ton a l'air d'être excellent dans les sushis. Donc... Ou l'humour à base de jeu de mots. Voilà. Ça a l'air sympa. Donc, moi, j'attends de le voir, forcément. Rogue One, c'est prévu que j'y aille, de toute façon. On ira ensemble ? Non. Il y a un robot rigolo. D'accord. Quoi ? Tu la prends mauvaise parce que je t'ai dit non ? Un petit peu, oui. Tu vas me faire un scandale en onde ? Si. En tonton onde ? Ne m'oblige pas à mettre le rêveur qui casse les couilles à tout le monde. Ça va. Parce que tu me casses les couilles. Voyez, on continue. On a du matériel maintenant. Allez, Alexandre, go. Donc, pour ces Gardiens de la Galaxie, trois parties pour cette argumentation. La première étant bébé Groot, ensuite Mantis. Ouais. C'est quand même dommage qu'en autant de temps, il n'ait pas grandi, quoi. Ouais, je pense que c'est bizarre. Ouais, c'est vraiment pour surfer sur la vague. Tout le monde voulait une figurine bébé Groot, et là, c'est il est encore bébé. Mais donc, pour vous, c'est plus objet de merchandising ou ça va vraiment servir le propos? Je pense quand même qu'ils vont bien intégrer. Pour avoir vu le trailer, je trouve que c'est une bonne idée parce que du coup, ça inverse les rôles avant. C'était Rocket Raccoon qui se trouvait sur Groot. Et maintenant, ça va être Groot qui va se trouver sur l'épaule de Rocket Raccoon. Et donc, du coup, je trouve ça... Un dynamique duo. Slash mignon, slash relativement intelligent d'avoir un peu inversé ses rôles. Et donc, du coup, ça peut... donner une nouvelle dynamique à ce duo, en effet. Bah, intelligent, je sais pas vraiment. Ça peut l'être. Ça dépend comment c'est traité. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir une campagne marketing, en fait. Ça a marché dans le premier, on te resserre ça, quoi. Maintenant, peut-être que j'espère me tromper. Moi, je serais le plus heureux des hommes si je me trompais là-dessus, mais ça, je vois pas l'intérêt de laisser un Groot bébé. Ouais. En plus, il a un comportement de bébé, quoi. Ouais. Il a toujours ce comportement là. Ouais, mais là, vraiment, du genre, c'est un peu appuyé, tu sais, Groot, qui... j'ai lu que Groot essaie de, genre, de lui apprendre des trucs. Non, Rocket. Rocket. Oui, pardon, que Rocket essaie d'apprendre des trucs à Groot, et on s'en fout, quoi. Enfin, c'était pas comme ça avant. Non, enfin, oui, en fait, je pense que, enfin, dans le sens, il lui donne une espèce de bombe nucléaire, et lui dit, bon, surtout, t'appuies pas sur ce bouton-là. Allez, répète après moi, t'appuies pas sur quel bouton? J'appuie sur celui-là, enfin, il le dit. Je s'appelle Groot. C'est ça. Et donc, du coup, il fait mine d'appuyer sur le mauvais bouton, et... Bon, une scène comique qui sera sans doute trop tirée en longueur, mais on verra comment ça donne, quoi. Oui, enfin, l'humour de répétition n'est pas forcément... Enfin, pas de répétition, parce que c'est pas vraiment des répétitions, quoique, ça dépend à quel point ce sera mis en film. Mais on verra. Donc toi, t'étais saucé par... Ah, le bébé Groot. Ah oui. Non, par la bande-annonce en général. Oui, surtout la couille géante. Vous l'avez vue, celle-là? L'abilisque. Alors moi j'en ai une entre les jambes. Une seule. Ouais, malheureusement. Un accident de trottinette quand il était bébé. C'est ça. Non mais moi je sais pas du tout. Comme j'ai pas vu la bande-annonce, je sais pas. Moi j'ai vu la bande-annonce et je vois pas de testicules géantes du coup. En fait quand je t'ai expliqué, tu le verras tout de suite. Tu ne verras qu'une grosse couille. Le moment où ils sont tous en train de se battre contre un monstre à tentacules. Ok, ouais. Quand tu regardes vu du dessous, c'est une couille. Okay. Et même son nom, l'abilisque, signifie testicule en grec. Ok. Enfin, ah, le mec, il a fait des recherches. Ah oui. Ah. En 1962. Qu'est-ce qui se passait en 1962? Sans doute dans cette chose, mais je les ignore. T'as encore des choses à dire là-dessus? Par rapport à Mantis, je ne sais pas si vous savez. Ah ouais, on a, ouais. Ah. Ouais. Bah, j'ai vu une image, le design est un peu particulier. Voilà, donc du coup, un personnage. Elle fait très kawaii comme ça. Ouais, c'est ça, un personnage un peu tout rose bonbon, un peu tout gentil, un peu, même limite trop sympa en mode, j'aime tout le monde. Oh, c'est mignon, tu as des pensées impures. C'est rigolo. Ouais. Alors, du coup, voilà, ça m'a fait rire parce que, ouais, du coup, elle dit à Captain, Star-Lord, Star-Lord. À Captain Fuck This Shit, là. L'enculé, comment il s'appelle. Elle lui dit, oh, vous êtes amoureux. Ah ouais, non, oui, j'ai un amour pour tout ce qui est vivant. Oui, non, c'est un amour sexuel. Alors, bon, déjà, je m'y connais pas beaucoup en amour, mais de l'amour sexuel, enfin, il y a du désir sexuel, il y a de l'amour. Il me semble, forcément. Et que les deux peuvent être liés comme ils ne peuvent ne pas l'être liés. Tout à fait. Un amour platonique. Voilà. Et donc, du coup, j'étais là. Oui, enfin bon, très honnêtement, Gomorra, là. Gomorrhea. Gamorra. Gonorrhée, c'est normal. Gomorra. c'est normal qu'on ait du désir sexuel pour elle, quoi. Enfin, je veux dire. Alors sûr là, que là, on va se manger. Même Groot, je suis sûr qu'il se fait lucher la branche, quoi. Enfin, il y a un moment. Tu vas probablement aller en enfer, et quand tu auras les femmes sur le dos, moi je dirais oui, c'est lui. Enfin, tu le donneras en peinture. Excuse-moi, mon Vincent Puritain, j'avais oublié que le désir sexuel c'était quelque chose qu'on devait taire et pas montrer parce que c'est vrai que c'est honteux. Donc, pardon, excuse-moi, je me donnerai des coups de ceinturon ce soir en rentrant chez moi. Merci. Voilà. Donc voilà, on avait la mi-centaine là. Mi-centaine. Je sais pas si tout le monde a dit ce qu'il voulait dire sur mi-centaine. Mi-centaine, au départ, n'est pas une alien. Ok. C'est juste pour dire qu'ils ont rajouté ces antennes pour faire quoi? Ah, regardez, c'est une alien, elle a Star-Lord, tout ça, tout ça. Mais elle est issue d'une union entre un Allemand et une Japonaise. Donc parce qu'on fait une alien, hein, techniquement. Parce que non. Unis par leur amour des sandales avec des chaussettes dedans. Moi, le personnage de Mantis dans les comic books, je le connais pas parce que j'avoue mes lacunes sur... sur toute la partie cosmique de Marvel. Burn, baby, burn. Mais l'exception du Silver Surfer, que tu apprécies. Ah, mais je kiffe le Silver Surfer vraiment énormément. Mais voilà, je sais quelle sera ma recommandation pour, mais c'est pas... pour la suite. Ouais, et qu'on pourra recommander tous les deux, du coup. Parce que... Oui. Ouais. Donc voilà, moi je ne pense pas grand chose d'un truc que j'ai pas vu, donc la bande annonce. Mais en même temps, j'ai vu une autre bande annonce qui est parue plus ou moins en même temps, enfin quelques jours près, un petit peu plus tard, puisque c'était genre avant-hier, hier. La bande annonce. De... Retour à la maison. le teaser trailer de Spider-Man Homecoming. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Non. Et je ne veux pas le voir. Et pourquoi tu veux voir? Parce que c'est juste un tremplin pour les futurs Avengers. Mais ah, regardez, c'est on met Iron Man avec Spider-Man pour vous faire plaisir. Regardez, ah, c'est drôle. Ouais, mais ça, ça a toujours été le cas dans tous les films. En fait, c'est très honnêtement, je pense pas que... Pas au début. Spider-Man, c'est un personnage qui Spider-Man, a autant... Spider-Man, s'il vous plaît. Spider-Man. Non, parce c'est... que, enfin... Spe. Mais c'est... Spider, l'homme vitesse. Spider-Man. Je suis l'homme vitesse. Vous ne m'attraperez pas. C'est un personnage qui a autant, voire même beaucoup plus que de fans... que Tony Stark, Iron Man. Très honnêtement, je pense que c'est un personnage qui est beaucoup... Bah, en Europe, ils sont peut-être kiff-kiff parce que les Européens deviennent comics. On a beaucoup moins connu Iron Man que Spider-Man par chez nous. C'est ça, mais je pense que à New York, obligatoirement, Spider-Man, ça doit déjà être un personnage beaucoup plus apprécié que Tony Stark. Parce que c'est sa ville. Mais bon, même si Tony Stark aussi est basé à New York, enfin, tout le monde est basé à New York presque. Mais... enfin voilà, pour moi Spider-Man, enfin c'est un de mes héros préférés de comic book. Et très honnêtement, pour avoir lu la guerre civile, la Civil War, je trouve que le personnage le plus intéressant, le mieux développé là-dedans, c'est quand même Spider-Man. Ouais, mais je en plus pas lu, donc je ne peux pas. C'est très intéressant parce qu'en fait ça arrive pendant le run de Straczynski et qu'il a développé énormément de bonnes choses, donc c'était un petit peu au summum du run où il avait vraiment placé ses pions un peu partout et du coup c'est très important. Le pinacle colada. T'as vu que j'ai essayé d'éviter ce mot, hein, pinacle. Non mais en fait voilà, maintenant il faut que je le dise à chaque fois. Ça a commencé à s'intégrer de tu l'as pas dit à la dernière émission. Je le mettrai dans le souvenir des gens. J'ai réimplanté ce souvenir dans la tête des gens. Mais moi, j'ai vu cette bande-annonce et je me suis dit, ah, il y a quand même des éléments qui ressemblent vraiment à du Spider-Man, contrairement aux autres films Spider-Man. Déjà, je trouve que la dimension titanesque, la dimension... Je cherche tes mots, vas-y. Bah, titanesque, ouais, spectaculaire. Voilà, oui. La dimension spectaculaire est mieux exploitée que, par exemple, dans les films de Sam Raimi. Ouais, mais Sam Raimi, il a carrément chié dans la colle. Mais déjà, il n'y avait pas assez de shotgun. Il mettait bien. Pas assez de démons qui vomissent de la purée verte dans les yeux, dans les orbites des gens. Donc voilà, ça c'est hein, pour du Sam Raimi, ça manquait de démons. Mais moi, j'ai, avec tout le respect que j'ai pour Sam Raimi, je trouve qu'il était un réalisateur excellent sur Evil Dead. Oui. Même son premier Spider-Man. Limite, tu peux l'accepter à l'époque parce que c'était l'époque où on n'a pas encore énormément de référents en films de super-héros. Alors, uh-huh. Film de super-héros, pas dark, parce que forcément on a vu le Batman de Burton, donc on pouvait un petit peu situer, mais c'était relativement merdique. Mais vraiment, genre, tu regardes maintenant, c'est pas possible, ouais. Quoi. Enfin, c'est incroyable. Les personnages sont cons, le scénario est con, t'y crois pas du tout. Tobey Maguire, c'est pas Peter Parker, quoi, mais genre pas du tout. Peter Parker, c'est le mec qui il peut avoir un immeuble qui tombe sur la gueule. Ben, le soir, ça va être je vais quand même te balancer des vannes. Il n'y avait jamais aucune vanne, ouais. Alors que c'est quand même le mec qu'on n'arrive pas à faire taire, quoi. Il y a plein de gens qui disent Deadpool et Spider-Man, genre, à un moment dans les comics, ça va arriver souvent où en fait tu vas avoir Deadpool qui passe et on te fait ah, c'est Spider-Man, ou le contraire, Spider-Man, ah, c'est Deadpool. Parce qu'en fait, ils ont un costume rouge tous les deux, ouais. Et tous les deux, ils balancent tout le temps des vannes, ils la ferment jamais. Le surnom de Deadpool, c'est Merc with a Mouth, donc le mercenaire avec une bouche, parce qu'il la ferme jamais. Et Spider-Man, il est connu aussi pour jamais la fermer. Pour sa punchline. À écrire des punchlines pour aller affronter le Kaïd. Oui, mais elles sont. Ça, c'est dans le début d'Ultimate Spider-Man, mais elles sont géniales, quoi. Parce qu'il fait. C'est presque un battle de rap, quoi. Mais sauf qu'il écrase le mec. Du genre, il paraît que quand tu devais faire ta photo de classe, ils ont dû le prendre à partir d'un hélicoptère tellement t'es fat. Enfin, c'est nul, mais le genre, il fait, attends, j'ai une meilleure. Genre, il y a personne qui rigole, parce que forcément, le mec, il est en train d'essayer de lui latter la gueule. Alors, il sort des petits papiers. Et il est comme ça, il fait, ah oui, ta mère, elle est tellement grosse. Enfin, tu vois. Et là, il n'y avait pas du tout ça. Ils ont un petit peu essayé de faire un film plus sérieux. Ouais, mais ça fonctionne pas. Il y a pourtant des récits de Spider-Man assez sombres qui fonctionnent bien. Je pense par exemple à La Dernière Chasse de Kraven, où en fait Spider-Man est en gros tué par Kraven, ouais. Plus ou moins. Ouais, non, mais attends, parce que, voilà. Un Kraven de chasseur, hein, pour ceux qui ne. Oui, si Kraven de chasseur. Qui a une seule volonté, c'est de chasser tous les plus grands prédateurs pour. Parce qu'il veut être un peu, en gros, le mal prédateur alpha, ultime. Quoi. Voilà. Et Spider-Man se constitue comme une. Et d'ailleurs, ce serait incroyable de voir un crossover Kraven Predator. Ah oui, ce serait. Je donnerais pas cher de Kraven quand même. Mais ça dépend. Franchement, si je devais écrire un comic, ça pourrait être sympa. Parce que moi, j'aime bien les comics de crossover en plus. Ah ouais, ouais, bah, t'en as des beaux, hein, dans mon comic book. Des trucs que tu comprends pas ce qu'ils ont fait. Dernièrement, ce que j'ai un petit peu lu, mais en vraiment diagonale, c'est Ramon's Archie Comics. Ouais. C'est un truc classique Archie Comics en fait. C'est juste qu'il y a les Ramones, mais il y a rien de spécifique aux Ramones. Ça aurait pu être un autre groupe. Tandis que celui où il y a le Punisher. Ouais, là, c'est vraiment, ils ont vraiment super bien intégré le truc. Un qui est super bien, c'est Predator Batman. Ouais. Et les Predators. Et je vais remettre de. Comment dire, de l'ordre dans mon esprit. Vas-y, et aussi Alien Batman, ils sont plutôt cool. Donc voilà, mais tout ça pour dire que la bande-annonce, parce que revenons quand même, la bande-annonce de Spider-Man Homecoming, déjà c'est intéressant parce qu'ils ont appelé Homecoming qui fait un petit peu clin d'œil au premier arc narratif de Joe Michael Straczynski sur Spider-Man. Okay. Alors qui est différent parce que là on a un Spider-Man dans la bande-annonce, en tout cas un Spider-Man adolescent. Et qui vient de se découvrir. Oui. Alors que dans Homecoming, c'est en gros le moment où il commence sa carrière de professeur. Ah ouais. Donc c'est un truc différent. Mais bon. C'est le truc qui me turlupine. Donc voilà, moi Spider-Man au cinéma, ça n'a jamais été un truc qui m'a jamais excité des masses. Donc du coup, j'ai pas spécialement d'attente vis-à-vis de ce film. Mm-hmm. Seul truc qui m'ennuie un peu, c'est que il soit pas fait son costume de. Enfin, si, il l'a fait. Il avait fait un costume de Spider-Man un peu de merde, il me semble. Oui, ça aussi, ça m'a dérangé parce que Civil War. Il dit comme ça, je peux garder le costume. Mais mec, ouais, c'est ça. Enfin, justement, le costume, au-delà du symbole et du costume en lui-même, ça a un intérêt narratif. Ouais. Parce que comme c'est un adolescent qui gagne pas d'argent, pour lui se manger des mandales, au-delà du fait de se manger des mandales, c'est nul parce qu'alors il doit racheter du tissu, il doit racheter de quoi rapiécer son costume. Et du coup c'était un enjeu narratif sur à côté il doit trouver un autre boulot. C'est comme ça qu'il va aller faire les photos parce qu'avec ses pouvoirs il peut avoir des plans un peu partout et puis il y a Spider-Man qui peut facilement prendre en photo parce que c'est Peter Parker. Quoi. On a l'impression que c'est un costume qui lui est donné avec une technologie. Quoi. Et il a cette technologie normalement, d'ailleurs, dans Civil War, normalement. Il a le costume qu'on appelle l'Iron Spider. Voilà. Enfin voilà. Ah bon. Un costume rouge et jaune métallisé. C'est ça. Avec des. Oui, qui fait même un peu plus orangé. Oh, ça va être beau. Oui. Mais je sais pas s'ils le mettront là-dedans. C'est pas très beau, non. Moi, je l'ai trouvé horriblement dégueulasse, ce costume. Ouais, je sais pas. En fait, ça m'a fait un peu penser aux gammes de jouets, d'action figurines, Batman ou Superman, qu'on a pu avoir, où t'as Batman et Superman, avec des armures, etc. Quand j'étais gosse, quand j'étais très petit, ça faisait, waouh, c'est incroyable! Et puis maintenant, je vois ça et ça fait. C'est un peu un costume à la course aux jouets avec Schwarzenegger, quoi. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu le regardes, tu fais. C'est du la chier. Ouais, c'est ça. Oh, voilà. Donc, d'autres choses à dire sur Spider-Man, je rentre à la maison. Juste une chose, parce que je sais que Al lui a bien aimé, mais même les films de Mark Webb avec Andrew Garfield sont mauvais. Je suis désolé, ils sont dégueulasses. Voilà, tu as des goûts de caca, monsieur. Juste une sorte de cette maison. Là-dessus, je suis sûr qu'on sera tous les trois d'accord. Oui. Tante May. Oui. On est bien d'accord que la meilleure Tante May était celle de Sam Raimi. Non, c'est celle de Comics. Oui, dans les films. Bon mot de la part de Monsieur Sonde. Dans les films, ouais, enfin, ça dépend en fait. Parce que là, ils la rajeunissent à chaque fois et bientôt, ce sera genre sa grande sœur. Non, mais attends. Ouais. Moi, je lis Marisa Tomei, donc il va jouer le rôle de Tante May dans le prochain. Enfin, qu'il l'a joué, mais bon, on n'a pas encore vu. C'est Marisa Tomei. Tu me donnes un film avec Marisa Tomei, moi je me plains pas. Ouais, mais elle joue la grand-mère. Je vais rien faire. Elle peut jouer Spider-Man. elle peut faire qui elle veut. Elle peut faire qui le Kingpin. Elle peut y aller comme elle veut. Moi, c'est Marisa Tomei. On touche pas à Marisa Tomei. Ouais, en fait, sur le coup, moi, justement, je bégaye. Et je trouvais ça relativement sympa de changer les choses parce que j'en parlais avec mon Big Brother. Il me disait, et par exemple, on parlait d'Akira. Il s'appelle Georges. Oui. George Orwell. C'est ça. Et on parlait pas d'Akira, on parlait de Ghost in the Shell. Et il me disait, ouais, ok, c'est cool qu'il y ait un film Ghost in the Shell, mais moi je vois pas l'intérêt de refaire un film live si c'est pour raconter exactement la même histoire. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et donc, du coup, voilà, on s'était mis d'accord là-dessus et on disait, pour les films de super-héros, moi ça me dérange pas qu'on dise, mais voilà, vous voyez, Tante May, ben elle est morte! Et c'est Oncle Ben qui a élevé. Ouais, ce serait un truc qu'on ne fera jamais parce que. Presque un. Enfin, chez Marvel, ce qu'on appellerait un what if. C'est what if, donc et si c'était tant de mecs qui seraient décédés et pas. C'est ça. Ah oui, il y a une série comme ça, par exemple, dans Daredevil, il y a what if Daredevil, enfin, et si Daredevil avait été recueilli par le Shield. Ah oui. Et donc, du coup, tu le vois en agent du Shield qui n'hésite pas à tuer. Ouais, ok. Mais il y a l'équivalent chez DC Comics aussi, ce qu'on appelle un Elseworld. Batman, non? Batman a énormément d'Elseworlds. Ouais, bah oui. Batman Vampire, par exemple, qui est sorti récemment. Que j'ai, je pourrais te le prêter. Oh, ou Gotham by Gaslight. Ouais. Par Mignola. Et ça, c'est swag. Ouais. Parce que Mignola, c'est swag. Enfin, tout ça pour dire que moi, j'attends de le voir. Je suis. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. J'ai tellement été déçu par les films précédents liés à Spider-Man que. Ouais. Voilà, je serais pas surpris que ce soit encore de la daube, donc voilà. Est-ce que c'est tout pour ce sujet des bandes annonces Marvel? Finalement, en fait, oui. C'était plutôt ça. Oui, ouais. Finalement, on a un peu élargi le sujet, mais comme l'autre fois, on avait élargi au pulp. Donc, voilà. Alors, et toi? Ah ben, je voulais vous parler. Mais, alors, je vais juste le citer. Je voulais vous recommander une émission, mais alors c'est une émission anglaise. Ouais. Qui s'appelle Nevermind the Buzzcocks. Donc c'est une émission musicale dans laquelle des invités autour de alors des comédiens mais aussi autour de la musique que ce soit des musiciens, des chanteurs, peu importe. Mm-hmm. Venez sont invités. Ouais. Et en fait c'est une sorte de comment ? Ils se pointaient là. Ils se pointaient là et genre bonjour. Et en fait, c'est une sorte de quiz musical. Enfin, il y a à la fois un quiz musical, mais il y a des quiz de culture autour de la musique. Il y a plein de trucs comme ça. Et alors, j'adore cette émission parce que chaque invité se fait défoncer par l'animateur. Okay. Mais du genre, à la présentation, il te roast. Mais genre, à la fin, t'es genre, ok, ah ouais. Il y a même des mecs qui ont refusé de faire le reste de l'émission parce qu'ils te roast méchamment. Ah ouais. Mais je trouve ça très très con parce que. Ouais, ça fait partie du truc quoi. Ouais, ça fait partie du truc et quand il va tu le sais. Mm-hmm. Donc c'est très très con de ta part de te casser pour ça. Je vous conseille de regarder un petit peu sur le net. Moi, la période préférée de l'émission c'est quand c'est Simon Astell qui anime. Ouais. Parce qu'en plus il est cute comme un jeune animal, comme un camion. Et donc mais il te roast énormément, enfin c'est incroyable. Donc je vous conseille cette émission là Mais tantôt, on a parlé un petit peu de comic book et dans les récits qui m'ont vraiment touché dans les comic book, j'en ai lu quelques-uns, hein, ouais. Parce que je suis un gros collectionneur de comic book. Il y a Silver Surfer qui a eu la chance d'avoir deux récits totalement incroyables. Bon, il y en a plus que ça, mais vraiment deux qui, moi, m'ont marqué. Il y a le Silver Surfer, c'était quoi? C'était Requiem. Oui, Requiem, ça c'est celui de Joe Michael Straczynski et Sad Ribic, qui est incroyable en fait, qui raconte en gros la fin de vie du Silver Surfer. Il peut mourir? Je pensais qu'il se nourrissait du soleil ou des trucs comme ça. Il peut mourir, mais en même temps, c'est un peu particulier. Parce que je sais pas s'ils l'ont vraiment intégré dans la continuité normale de l'univers Marvel, mais en tout cas. Il a une sorte de virus, il vient sur Terre pour aller voir les Quatre Fantastiques avec Reed Richards pour voir s'il peut éventuellement l'aider. Et le temps de savoir un petit peu l'analyse de l'échantillon qu'il a donné, il va faire un petit peu le tour du quartier, on va dire. Et il va rencontrer Spider-Man. Et alors c'est marrant, comme les deux persos sont super opposés, il y en a un qui il fait partie de l'univers cosmique, il voyage entre les planètes... Il a été le héros de Galactus. Et en même temps, t'as Spider-Man qui, lui, est un street level super-héros, quoi. C'est le mec qui... tu te fais voler ton sac, c'est lui qui intervient, quoi. Mm. Comme Daredevil, d'ailleurs. Ouais, ouais, comme Iron Fist, comme... Luke Cage, exactement. Jessica Jones. Jessica Jones, ça dépend en fait de quelle période, parce que c'est très particulier, mais bon, c'est... Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu particulier parce que alors, t'as ce monde de géants avec Silver Surfer, vraiment qui. D'ailleurs, le personnage est très particulier. Ah, et qui rencontre des personnages très proches de nous, comme Peter Parker. Et le récit, il a chier. Déjà, c'est magnifique. Ouais, et Cédric qui fait un dessin. En fait, c'est plus des peintures réalistes. Et il te fait un truc, mais absolument magnifique. En plus, l'écriture est tout en finesse. Et c'est extrêmement touchant parce que ça. C'est pas un spoil de dire que c'est vraiment la fin, quoi. Parce que c'est annoncé, genre, au premier tiers du truc. C'est genre, ah ben non, c'est rien faire. Donc il suffit d'attendre la fin. C'est fou. Et l'autre, c'est, je crois que ça s'appelait Renaissance, c'est celui fait par Stan Lee et par Mobius. Donc déjà des gros noms. Des gros noms. Mais donc en plus, retour de Stan Lee à la scénarisation. Oui, il avait arrêté pendant un moment, et là c'est un récit des années 80, mais en gros, ça faisait longtemps qu'il était plus dans la haute sphère, mais qu'il scénarisait pas grand-chose. Et là, il revient et avec Mobius, quoi. Donc, si vous connaissez pas Mobius, ben, allez googler ça et franchement, prenez une claque. Si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est comme si t'écoutais de la musique pour la première fois. Là, tu redécouvres le dessin, mais c'est de la folie. Pour citer de ce qu'il a fait, que vous pouvez. Blueberry, mais Lincal aussi. Oui. Pour rester un peu dans ce truc SF. Et là, c'est un truc purement SF. Dans lesquels vont se mêler un petit peu des décisions un peu politiques. Je trouve que ça ressemble un petit peu à du Dune. Mélangé éventuellement à des trucs un peu à la Moon ou à la Solaris, dont je parlerai tout à l'heure dans ma chronique. Je trouve que ça mélange un peu tout ça. Déjà, c'est magnifique parce que Mobius, quand tu lui dis fais de la SF, il fait OK. Il te fait des trucs, par exemple, les vaisseaux, ça a des formes phalliques. Parce que pour lui, fallait tout est un symbole chez lui. En plus, c'est super bien écrit. Tu l'avais lu aussi dans ton son. J'ai lu les deux. Hein, oui. On vient de parler. Ouais. Et tiens, et pour situer le truc, pour Silver Surfer Requiem, ma maman l'a lu. Oh. Elle m'a pensé quoi? Et ma maman m'a dit, ah oh, putain, c'est super beau. Ah oui, non, c'est. Alors qu'elle est très peu comique, et elle m'a dit, bah, écoute, parce que donc, ma maman, c'est une personne d'une soixantaine d'années, d'une petite soixantaine d'années. Oui. Qui, du coup, a une éducation franco-belge, voilà, en matière de BD, de comics, enfin, d'art graphique, c'est beaucoup du franco-belge old school, hein, de la ligne claire. Et donc, du coup, là, elle m'a fait, bah, écoute, c'est bizarre, parce que c'est un très beau récit quasi religieux. Mais avec un super-héros, ça me fait bizarre. Et je trouve ça super beau, mais ça me fait bizarre. Mais ça fait partie de ces récits que tu peux tendre à quelqu'un qui a des préjugés sur, les récits de super-héros. Et lui dire, mais c'est pas que ça. C'est ça. Et ça, c'est l'exemple. Et je trouve que ça illustre très bien ça, en effet. Et cette manière de dire... Enfin, pour moi, quand je dis à quelqu'un que j'aime bien les comic books et que j'en achète, il me dit, oui, c'est bien, mais c'est quand même tout le temps le même héros. Je dis, oui et non. Parce qu'en fait, le super-héros, c'est pas un propos. Le super-héros, c'est un médium. Oui, c'est ça. Donc, tu peux faire dedans de la SF, tu peux faire un récit un peu onirique, tu peux faire un truc d'action, un drame. Et dans l'idée, si t'as envie de faire vivre un récit d'horreur à Spider-Man, un truc vraiment flippant, tu peux. Si t'as envie de lui faire vivre une romance, go ahead. Enfin, vraiment, il y a vraiment moyen de faire tout. Oui. Et c'est plutôt histoire d'avoir. C'est vraiment un médium, quoi. Et après, si t'as pas envie d'utiliser un super-héros, libre à toi, tu peux faire autre chose, quoi. Vous donnez tellement envie quand vous racontez, c'est incroyable. Ah bah, ça fait plaisir. Mais je descendrai, c'est moi qui les ai. Oui. Je descendrai Silver Surfer Requiem et Renaissance. Ah oui. Ah oui, direct. Éventuellement, je te les prêterai parce que tu n'as besoin de rien savoir. Tu peux, ça peut être le premier comic book que tu lis. Ce qui est un peu dommage. Moi, je dis toujours, à chaque fois, quand les gens disent, je sais pas quoi lire en premier comic book, j'ai toujours un peu de difficulté à leur tendre les meilleurs comic books que j'ai jamais lus. Parce qu'après, si je leur donne le meilleur, est-ce que tout ce qu'il y a après va pas leur sembler un peu insipide, un peu de toute façon moins bon par comparaison. Du coup, j'ai toujours difficile en disant refile-moi les meilleurs que tu connais. Alors là, j'ai ma pile de trucs qui pour moi m'ont vraiment marqué, genre Year One, ces récits de plus Silver Surfer, 250. Hawkeye, enfin le Hawkeye de Matt Fraction. Il y en a plein d'autres là forcément. Tu as peut-être pas encore lu, mais pour moi il y a Top 10. Que j'ai pas encore lu, je l'ai, mais je l'ai vraiment une. Si vous avez l'occasion de le choper ou de le lire, Top 10, c'est on me parle aussi assez bien souvent, quand justement, quand je parle de super-héros, on me dit moi j'aime bien les super-héros, mais les multivers, tout ça, j'aime pas. Moi non plus, j'aimais pas. Très honnêtement, et je trouvais que assez souvent c'est mal exploité, assez souvent c'est. Attention, une version maléfique de nous. Attention, ouais. J'essaie de me prévenir d'une autre dimension, d'un truc qui pouvait pas arriver, mais ça a altéré l'espace-temps. Et t'es là, enfin voilà, c'est un peu chiant. Quoi. Mais Top Ten, ils ont réussi. En fait, bon, déjà ils intègrent ça dès le début. On vous dit dans un monde où il y a des multivers et où du coup, on a découvert. L'existence des multivers, on a découvert des ponts, une manière de créer des ponts pour traverser les multivers. Oui. Et donc, du coup, on a une société construite là-dessus, qui évolue vis-à-vis de ça. On nous explique le point de divergence de notre réalité à nous. Et c'est super bien. Et donc, du coup, c'est de l'enquête. Il faut quand même rappeler qui est l'auteur de ce récit. Rappelle-le. C'est Alan Moore. Voilà. Donc, Alan Moore qui a été auteur, entre autres choses, de V pour Vendetta, Watchmen... Quelques Batman avec Killing Joke par exemple. Qu'est-il arrivé à l'homme Whatever to the Man of Tomorrow, donc une histoire de la dernière histoire en fait de Superman. Enfin proposition en fait de son possible dernière histoire. Mais il a fait plein d'autres trucs. Moi j'aime bien beaucoup. Ouh là, c'est très français. J'aime beaucoup c'est Tom Strong. Sont des récits pulp, on parlait de pulp lors de la dernière émission, qui sont des récits pulp d'aventure avec un homme fort. Donc voilà. Et Top Ten, que je n'ai pas encore lu, mais qui, on peut citer également, c'est League of Extraordinary Gentlemen. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Qui n'ont rien à voir avec le film. Enfin, si, le film, c'est une adaptation. Ouais. Sauf qu'ils l'ont vraiment fait. C'est pas le propos, c'est pas un truc d'aventure vraiment. En gros, c'est un truc d'aventure, mais. C'est compliqué. Là, ils ont vraiment fait. Ils n'ont pas respecté beaucoup de choses. Ils n'ont pas respecté la complexité du récit. Ouais. Et, d'un autre côté, à faire tenir en 2 heures, ça, c'est toujours difficile. Oui, mais même, tu vois, là, c'est un truc genre, on va faire un truc d'aventure, un point, c'est tout. Oui, mais bon, voilà, c'est comme si tu faisais, c'est comme tu fais Matrix. Ouais. Et, bon, faire que dans un truc d'action. T'as quand même. Ouais, t'as autre chose, t'as un emballage. T'as plusieurs degrés de lecture, et voilà. Donc voilà, c'était mes recommandations. Voilà, on a fini avec le comic book, du coup. Oui. Et ben moi, je vais parler de quelque chose que, encore une fois, vous avez sans doute déjà vu. Oui. Enfin, toi, je pense bien que tu l'as vu. Toi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est Stranger Things. Ah, tu oui. as enfin regardé. Voilà. Oui. Donc du coup, je n'avais pas regardé au moment de la hype suprême, quand les gens m'agressaient dans la rue, me jetaient des cailloux en me disant « Putain, c'est trop bien, mec, faut que tu regardes !» Je faisais partie des gens qui te conseillaient la série. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, faut pas déconner. Ouais. Mais je faisais partie des gens qui te le conseillaient. Voilà. Et donc du coup je fais oui en ce moment j'avais d'autres choses à regarder dont Twin Peaks à ce moment-là je regardais Twin Peaks donc j'étais dans rien d'autre et puis ici un dimanche soir je me dis bon bah allez il faudrait que je m'y mette, je vais le télécharger, je télécharge l'intégrale de la saison 1. Ouais. Je en regarde un épisode évidemment. Pardon, en toute légalité. Ah oui, tout à fait, parce que je possède une copie légale à la base. Je possède Netflix. Et donc je télécharge ça et je m'y mets, je regarde un épisode, je me dis ouais c'est sympa, mais j'avais des doutes, j'avais tout de même des doutes sur la continuité de l'histoire. Sur la continuité de l'histoire, sur 2-3 trucs genre l'ambiance années 80. En fait, c'est-à-dire que c'est trop top les années 80. Attends, mais laissez-moi finir. Non, jamais. À la queue. Donc c'est-à-dire que cette mode du les années 80 c'était trop bien, vas-y on fait un film là-dessus. Pour moi ça a été 12, hein. l'une des premières vagues, enfin l'un des premiers membres de la première vague, c'est Drive. Ouais. Où on est venu, on nous a dit OK, on va vous mettre une ambiance années 80 de Nicolas Winding Refn avec mon âme sœur Ryan Gosling. Le gars, il a dit, OK, bah, vas-y, je te mets une ambiance. Donc, déjà, un jeu de lumière rose cyan. Je te mets des musiques qui fait au synthé avec un groupe qui s'inspire très, très, très, très fort de ce qui se fait dans ces années-là. Donc, avec A Real Hero. Ouais. Et donc le thème principal, ce n'est pas Night. Voilà, c'est pas Nightcall de Kavinsky, mais c'est bien A Real Hero de Electric Youth. Ouais. Que j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai l'album de la, dans, sur lequel est présent A Real Hero sur mon téléphone et j'écoute assez souvent. Et donc, voilà, on nous a dit, bah voilà, on va vous mettre de l'inspiration 80s. Mais le film ne se situe pas du tout dans les 80s. Il se situe même plutôt dans les 90s au début du film. Monsieur Gosling prend un téléphone portable. Ouais, ouais, enfin, peut-être même les années 2000. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, 90s. Enfin, oui, en tout cas, fin des 90s, début des 2000, quoi. Mm-hmm. Il prend un téléphone portable, et voilà. Mais et c'est juste l'ambiance, c'est juste la saveur qui est là. Et dans beaucoup de films d'après... Et t'as vu qui joue dans ce film? Oui. Paul Dameron. Ah oui. Bah oui, il fait le père-mari de... Ah bon? C'est vraiment lui? Ouais, ouais. Ah bah putain, il est bien grimé, quoi. On ne le reconnaît pas. Rebattre le film avec ça en tête. Ok, et il y a aussi un second couteau que j'adore. Quoi? Bryan Cranston? Ouais. Ah bah oui. Et il est super. Qui joue un loser alors que c'est juste après la hype absolue de Breaking Bad. Voilà. Juste après ou juste avant? Juste après ou pendant? Ouais, en tout cas, il avait déjà fait, je crois, Breaking Bad. Et du coup, là, le voir en loser absolu, c'est... C'est incroyable. Alors que c'est le genre de mec qui t'impressionne. Non, en fait, je pensais pas spécialement à lui à la base. Je pensais à l'un des gars qui fait les mafieux. Un gars avec une tête improbable qui a des... qui a vraiment un acteur à gueule. Ah, Ron, Ballon, Ron Perlman. C'est ça, Ron Perlman. Qui a joué Hellboy. Voilà. Et qui a fait une apparition dans un DLC de Payday 2 récemment. Voilà. Le monde est fou. Ok. Le monde est fou. Et donc, voilà. La saveur, 80s est là, mais le propos n'est pas les 80s. Et puis, il y a eu énormément de choses qui ont fait « Eh, mais en fait, c'est une super idée !» Et donc, du coup, on a eu des jeux comme Far Cry Blood Dragon. Qui était dégueulasse. Ouais, c'est sujet à discussion. Et en plus, c'est un jeu Ubisoft. Donc, il part déjà avec un handicap. Donc, on a Blood Dragon qui est là et qui fait « Allez, les gars, on joue la carte d'80s à fond, on va avoir des Godzilla laser, etc. » Et alors, pour information, on a donc Harry qui est en train de faire un câlin à son chat en position fœtale. Il est beaucoup trop mignon. Le chat. Pas Harry. Oui, non, moi, je suis assis. Hein. et donc, du coup... Blood Dragon, moi, bravo, ouais, j'ai apprécié, j'ai trouvé fun, vraiment envie de la tête. Mais d'un autre côté, c'est cliché. C'est, voilà, il joue la carte à fond. Puis on a eu d'autres choses, comme le film Kung Fury. Ouais. Où là, même les films des années 80 n'ensemblaient pas à ça. Le film. Ouais, le web movie. Mais moi, le problème, c'est pas que ce soit sur le web, c'est le fait que. Enfin, tu sens que c'est des mecs qui font « Ah, ça fonctionne !» Ah, c'est que des coups de coude dans les côtes. Genre, oui, hey, oui, mec, bah, c'est des grosses blagues. Ouais, c'est des blagues pas fines du tout. Mais enfin, en tout cas, pour moi, ça a marché. Et bon, bah, forcément, j'aurais sans doute pas acheté le film, mais le regarder sur YouTube gratuitement, enfin, je veux dire, c'est un chouette souvenir. C'est un chouette film qui m'a bien fait marrer. Et donc, premier épisode de Stranger Things. Donc, voilà, on installe vraiment, on set le truc bien dans les 80s. Et puis il y a ce gros clavier, le thème principal de Stranger Things au gros clavier, et ça n'est que ça. Et la première fois, je me dis, ok, est-ce que ça va être encore quelque chose juste au clavier? Mais moi, je t'en avais parlé quand tu m'avais dit que t'avais quelques réticences. Non, moi, je t'ai dit, ça va se dissiper. Et donc, voilà, c'est ce que j'explique, c'est le premier. Au début, j'avais l'impression que c'était ça, c'était que des coups de coude dans deuxième épisode. J'avais l'impression que c'était que des coups de coude dans les côtes. Genre, alors pour mec, t'as remarqué? C'est ça. Ouais, et regardez, il joue à telle édition, Donjons et Dragons, ouais, etc. Ouais, il cite, je veux voir ton X-Men numéro 100. Et en fait, c'est genre l'une des premières apparitions de Phoenix. Okay, ouais. Et du coup c'est intéressant parce que Phoenix, Eleven, c'est plus ou moins le même pouvoir. Ouais. Et du coup on se dit, ah ben oui, ok, hein. Mais c'est vraiment, c'est gros comme des briques dans la gueule, quoi. Ouais. Et donc du coup j'avais un peu peur. Et au final, en fait, les relations sont tellement bien construites. Les personnages sont tellement... Les gamins jouent bien. Les acteurs du truc jouent vraiment bien. T'en penses quoi, c'est vraiment fou. Et pour tout vous dire, je suis au générique du premier épisode de la saison 1. Ah, ok. Mais je sais que c'est bien. D'accord. Le mec, il s'est fait un avis. J'ai vu la police du titre et c'était plutôt sympa. C'était rigolo. Et donc, du coup, t'as vraiment toute cette... Donc il y a du relationnel. Moi j'aime beaucoup dans les séries le relationnel, hein, le relationnel, la bafouillade. Moi j'aime beaucoup ça. Ici les relations sont bien écrites, les personnages sont assez atypiques. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas des gros personnages fonctions en mode bonjour, je suis le flic au grand cœur, vos papiers s'il vous plaît, je dois quand même faire mon travail. Non, c'est-à-dire que même si le flic c'est un peu un flic hardboil en mode oui, vous savez j'ai perdu ma fille, et je suis alcoolique depuis mais je suis quand même un type bien. Mais malgré tout, le gars a des profondeurs. Le gars j'ai adoré de voir le retour de Winona Ryder, qui joue la maman de... Oui. Comment il s'appelle encore le gamin qui est de l'autre côté ? Will. Will. Mais bon, moi, je suis très content de la voir, elle. Mais même, tout le monde joue bien, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Même les ados, parce qu'on disait les gamins, c'est incroyable parce que c'est des gamins. Du coup, tu dis, ah, dans quelques années, ça va être les meilleurs acteurs du monde. Et le Toothless, là. Oui. Il joue tellement bien. Vraiment, il y a deux, trois moments, genre, un moment, tous les gamins se disputent. Et alors, on va pas spoiler, hein. Là, pour le moment, on n'a rien raconté. Ouais. Et il y a Mike qui dit, oui, mais c'est à cause le noir, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je me souviens plus des noms des mecs. Ouais. Je me souviens d'Eleven et c'est tout. Donc, t'as Mike qui dit, ouais, l'autre, c'est un vrai jerk. Et t'as l'autre qui fait, ouais, non, c'était l'autre qui était un jerk. Et puis, il y a un autre qui fait, ouais, non, c'est Eleven qui est une jerk. Et puis, t'as tout ça qui dit, shut the fuck up! Enfin, vraiment, il s'énerve avec son truc sur la langue. C'est vrai qu'il y en a marre que tout le monde s'engueule. Il dit, vous êtes tous des connards, c'est bon, vous avez tous chié dans la colle. Et maintenant, c'est pas le moment de s'engueuler, c'est le moment d'arranger les choses. Il est super méga swag à ce moment-là, vraiment, t'y crois, quoi. Ouais. Alors, la relation que les gosses entretiennent entre eux, tu comprends. Le fait que personne ne se dise rien, tu comprends. Parce que c'est pas en mode, allez les gars, dites-vous, vous aimez tous. Non, on comprend que par exemple, Mike, il parle pas à sa sœur parce que avant sa sœur, elle était sympa avec eux, elle jouait avec eux, elle roulait avec eux et tout, c'était cool. Et que depuis qu'elle est au lycée, elle veut être avec les cool kids. Ouais. Et j'allais un peu spoiler, mais voilà. Elle sort avec un gars et donc du coup, elle est plus cool. Et donc tu comprends que il a perdu cette confiance en elle vu qu'elle est plus comme avant. Moi j'y mets aussi dans la série le fait que parfois il nous prend un petit peu, bon, c'est pas la folie du scénario qui va te retourner la tête, loin de là. Oui, bon, ça va. Mais il y a quand même une ou deux décisions où je me suis dit, ah ok, ils auraient pu aller dans la facilité de donner à ce que tout le monde attendait sur certaines décisions de personnages. Mmh. Et par exemple certains personnages qui te paraissent être un peu à l'instar de ah, j'ai oublié son prénom, le petit ami de Laura Palmer, Le Bill ou non pas Bill, le mec qui sort avec la serveuse, ouais, donc le petit copain de Chelly, oui, enfin je vois, oui, donc voilà, le biker, enfin pas le biker justement, non, gars avec un couteau, avec un cran d'arrêt qui est un bon fond, oui c'est ça, en fait au début tu te dis c'est un connard et puis finalement ça change un petit peu. Il y a ça avec un personnage dans Stranger Things. Ah, tu penses à qui? Je vais pas trop spoiler, mais s'il vous plaît, non, le petit ami, pareil en fait, le petit ami de ça, au début tu dis c'est un gros connard, je n'aurais rien à voir avec lui, enfin ce qui disparaît, ce qui crève, et puis t'avances dans la série et puis tu dis c'est vrai, il y a un beau retournement. Oui. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que si t'es un gosse de 10 ans et que tu regardes Stranger Things, c'est pas comme Game of Thrones où tu dois le faire sortir de la chambre, tu lui dis prends un siège, viens, mais limite il va regarder, mais il va flipper, tout comme moi à l'époque je flippais quand je regardais E.T. quoi, ou les Goonies avec le type musclé Sinoc, ouais, Sinoc M. Chaco. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a vraiment cette ambiance, toute cette ambiance Goonies, en même temps une enquête policière, et c'est vraiment un mélange de genres que je trouve qui marche super bien. Le gouvernement, parce qu'à un moment, sans spoil aucun, il y a un souci avec le gouvernement, et ils sont vraiment flippants, vraiment, enfin, je trouve qu'ils reprennent des trucs super bien, genre, dans le cas présent, le mythe du G-Man, qui est vraiment super bien foutu. Encore une fois, les Jimane, le mal cigarette, tout ça, c'est les mêmes mecs, quoi. C'est d'ailleurs de là que a été créé Men in Black. Oui, c'est ça. On voit aussi des comment dire, dans un jeu qu'on apprécie beaucoup tous les deux, dans XCOM, les hommes maigres, alors je sais plus comment ils appelaient, c'est pas les hommes allumettes. Ouais, les hommes brindis ou je sais plus quoi. J'ai dit amulette au lieu d'allumette, je crois. Non, non, tout du allumette. Le stick, machin. Enfin, je sais plus comment ils appelaient, mais il y a en effet ce. C'est ça, hein, c'est l'idée. Un homme avec une mallette dans un costume. Enfin, voilà. Et donc, je trouve que c'est vraiment un super mélange de genres. Et au final, cette ambiance que je me disais, ouais, ça va être juste trop 80s, et il y aura que ça. Non, ça s'estompe par la suite. Enfin, ça propose plus que ça, en fait. C'est ça. Et à l'heure actuelle, je suis très content de l'aventure qu'il y a eu. Je trouve, bon, ils mettent des indices en mode, l'histoire n'est pas finie, est-ce qu'on fera une suite, est-ce qu'on fera pas de suite? Mais très honnêtement, s'ils faisaient pas de suite, je serais pas déçu. Mais en fait, moi, j'ai même été déçu quand ils ont lancé une saison 2. Parce que je dis, ils veulent faire quoi? Et après, je réfléchissais avec ce qu'ils avaient placé comme pion et les pistes qu'ils avaient placées pour la suite. Et je me dis, en fait, il pourrait y avoir une suite. L'univers se prête à ça. Oui. Y a des éléments qui permettent une suite. Mais je ne serais pas content. Enfin, je ne serais pas content. Je ne serais pas mécontent si ça s'arrêtait là. Je pense que ça. C'est pas parce que tu prévois une suite que tu es obligé de le faire. C'est vrai. Je pense par exemple à Retour vers le futur à la fin du premier. Oui. Il y a Doc qui vient chercher Marty, genre viens, on doit aller dans le futur parce que c'est la merde. Ouais, il y a un problème avec ton petit-fils. Voilà, et ils y vont et tout le monde dit ah, viens un deuxième. À la base, c'était une blague en fait. Ah oui. C'était genre on repart sur une aventure, genre tu crois que c'est terminé, que c'est tranquille, mais en fait, non, on repart sur une aventure, c'est pas terminé. Mais ils n'avaient pas prévu ça. Mais forcément, en sortant du film et tout, les avis c'était ah, mais j'ai hâte de voir le second parce qu'ils promettent beaucoup à la fin. Et ah, oui, ils ouais. Sont dit, bah d'accord. On n'a pas trop le choix, quoi. Bah donc, ouais. Voilà. Donc, je parlais des relations et un truc. J'ai pas autant chialé devant cette série que devant Doctor Who. D'un autre côté, Doctor Who, c'est vachement plus long. Mais j'ai pas chialé, mais j'ai eu un moment émouvant. Oui, un moment ou deux. La fin. Moi, la fin. Oui, ça va être compliqué. Mais la relation que va entretenir Will avec Eleven. Oui. Et ça, c'est bien joué. C'est joué vraiment tout en finesse. Attends, Will, c'est le gamin qui est de l'autre côté. Non, Mike, pardon, excuse-moi. Oui. La relation que va entretenir Mike avec Eleven et qui va plus se développer sur la fin. Je me suis dit. Enfin, donc on le voyait venir évidemment, même les personnages à l'intérieur du film, ils le voyaient venir. Mais tout le monde le voyait venir quand même. Et donc du coup, et c'est normal, hein, je pense que très honnêtement, il y aurait un truc qui se déroulerait du même style en vrai. Enfin, t'aurais une fille qui débarque dans ta vie quand t'as 10 ans. Faut qu'on se rende compte que des fois la vie n'est pas non plus très subtile. Hein, donc, ouais, c'est ça. Et très honnêtement, ça m'a aussi fait un peu penser à Terabita. Un film où t'as deux gamins qui vont dans un monde fantastique, mais en fait c'est pas un monde fantastique, c'est juste dans leur tête, c'est leur imagination. Ah, je situe pas du tout le truc. Et c'est un film qui est sorti que ma maman a été me faire voir, et à la fin il y a la gamine qui meurt, et ça m'a rendu méga triste. Spoiler. Ah, le mec il te. Ouais, bah c'est pas. Bon, je pense pas qu'il. C'est assez intéressant à voir pour des gamins, mais je pense pas qu'il y ait des gens de 10 ans qui nous écoutent. On ne sait jamais, il n'y a pas d'âge pour Doctor Who. Regarde, on supputait que certains aveugles seraient peut-être en train de nous écouter lors de la dernière émission, donc pourquoi pas. Des gamins aveugles peut-être, des enfants de 10 ans aveugles. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc à la fin, il y a la gamine qui meurt, et j'étais dévasté. Il rappelle le spoil. Et j'étais dévasté, parce que elle me rappelait un nombre de crushs incroyables que j'avais pu avoir, et elle était vraiment super, enfin, l'actrice jouait assez bien. Et puis à la sortie du cinéma, il y a ma maman qui ne me disait jamais ça d'habitude. Elle me fait bah, si tu veux, on pourrait aller revoir celui-là parce qu'il est vraiment bien. Et moi j'étais là, tu déconnes, putain. Vraiment, le seul film que j'avais pas du tout envie d'aller revoir, on pourrait aller revoir parce qu'il était bien. Et vous étiez en train de chialer toute ta vie. Enfin, voilà. Et donc ici, il y a des aimants un petit peu chialants. Mais même la mère justement de Will, là, elle joue vraiment bien. Et elle joue le deuil, enfin la non-acceptation du deuil, elle le joue super bien, un truc de donc, fou. Donc Winona Ryder, qui a joué dans Edouard d'argent, dans Beetlejuice, elle a fait la mère de Spock dans les films Star Trek de J.J. Abrams. Et donc, vraiment, alors que justement la mère de Laura Palmer dans Twin Peaks, on fait parfois un petit peu des caisses. Hein. Ouais, il y a beaucoup de personnages qui font des caisses. Ouais, tu comprends que justement elle est mentalement atteinte par ce truc-là, et en plus il y a plein de choses. Oui. Mais là vraiment je trouve qu'elle le joue juste, et c'est vraiment de la rage, de la colère, de la tristesse, le mélange d'émotions est vraiment bien. Il y a un côté foutu, très terre à terre dans le film en fait. Oui, ouais. Malgré tout le délire un peu particulier, mais voilà, ces aventures, enfin c'est vraiment ancré dans notre monde quoi. Donc ça c'est cool, et les gens ont des réactions mythologiques, ouais, quoi. C'est ça. Est-ce qu'éventuellement on partirait en débat ? Carrément. Ouais. Ouais. Alors le débat du jour de cette émission, on voulait débattre un petit peu sur quels sont nos compagnons préférés. Tout à fait. Je pense que c'est une conversation qui mériterait à elle seule toute une saison de podcast, parce que c'est, enfin, le compagnon est presque aussi important, si ce n'est parfois plus important. Plus important au dépend de, voilà, au dépend de certaines choses, plus important que le docteur. Et je vais encore me faire défoncer la gueule par vous deux. Elle oui, mais parce que tu savez. Choisis Clara. Voilà, tu vas choisir Clara. Non. Évidemment. Je choisis Clara, Martha et Rory. Bah non, mais Rory, on est tous. Ah, ça va alors. C'est déjà la deuxième fois que tu nous fais le coup en mode oh oui, je suis sûr qu'ils vont pas aimer Rory, alors que je pense que. Non, tu nous as dit une fois j'avais dit que j'aimais bien Matt Smith, et on m'a dit que c'était un mauvais choix. On a jamais dit que c'était un mauvais choix. Hmm. On dit juste qu'il était très proche de David Tennant, mais. Et donc, bah, voilà, on va le dire tour à tour, et après on exprimera plus profondément notre choix. Mais donc, Al vient de dire Clara et Rory. Moi, je dis Amy et Rory, ensemble, ensemble, voilà, vraiment liés. Voilà. Et toi, tu vas sans doute dire Amy et Rory. Voilà. Amy et Rory, même si à chaque fois je peux parfois un peu m'énerver quand les gens disent ouais Rose ça va quoi, hein. Ah, oui, fermez non, vos Rose, bouches, Rose elle est importante, elle est méga importante, et jusque Martha c'était la meilleure, et puis bon il y a la relation Amy Rory qui s'est développée, et du coup mais Amy Rory ça, quoi, ça enfin, pour moi c'était ça a tout bousculé quoi, c'était absolument fou. En plus on a souffert avec Rory, ouais. On a par moments souffert avec Amy, mais franchement Rory il s'en est pris tellement plein la gueule, le mais il est resté là quoi. C'est alors moi je suis désolé, mais il y a un titre d'épisode qui m'énerve plus que les autres. Ouais, il y a un titre d'épisode qui s'appelle The Girl Who Waited. Ouais. Donc c'était la fille qui a attendu, rapport à un épisode où Amy est dans une sorte de, comment expliquer ça, c'est une sorte de base dans laquelle quand tu vas dans certaines pièces, ben le temps va pas s'écouler de la même manière. Et ça a une maison de traitement en fait pour une maladie spéciale, et en fait elle va être coincée dans une sorte de petit jardin pendant une trentaine d'années je crois. Ouais. Et on nous le sort comme son épreuve. Ouais, genre vraiment. Elle a attendu énormément de temps et elle veut pas accepter. Non, tu seras plus avec moi. Nanana. Et genre c'est très compliqué, genre on essaie de nous faire les tirs larmes là-dessus. Ça fonctionne un petit peu bien. Ouais, mais ouais. À côté, lui Rory, il a attendu 2000 putains d'années, c'est il ça. A pas à aucun moment eu une seule hésitation quoi. Il a attendu 2000 ans. Il a pas bougé. En 2000 ans, il a même été genre mannequin dans un musée parce qu'il devait rester près de Pandorica. Il n'a pas bougé. Alors, c'est bien de nous dire, Amy, elle a eu difficile dans ce... Putain, Amy, elle a attendu... Ok, 30 ans, c'est incroyable. Hein ? Mais 2000 ans, hein ? Mais Rory, c'est d'autant plus incroyable. Il est allé jusqu'à... Il n'est plus humain, quoi. Il n'est plus humain. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut attendre 2000 ans, mais... Enfin, moi, je vous lis quand on lit la petite pancarte avec l'histoire du Romain. Moi, je chiale. Il y a quelqu'un qui lit ce qui s'est passé avec. Moi, parce que Rory, en fait, c'est moi. Enfin, c'est moi. Pas moi, mais je veux dire, c'est nous. Oh mon Dieu, enchanté. Enlève ton masque. C'est nous les hommes. C'est les hommes amoureux, quoi. Ouais, ouais. C'est les hommes amoureux d'une fille inaccessible. Et ils ont eu ces discussions, donc Amy et Rory, sur le fait que Rory l'aimait plus que elle ne l'aimait. Oui. Donc, forcément, il peut l'attendre plus longtemps. Oui, mais c'est horrible pour lui de se rendre compte de ça. Ouais, oui, de s'en rendre compte, mais pas de et que ce soit une vérité, tu vois. Et que ce soit... Ouais, en effet, tu m'aimes plus que moi, je t'aime. Oh, t'imagines le truc, quoi. Ouais. Et Rory, à aucun moment, il a eu une hésitation. Il a eu une hésitation, enfin, pas une hésitation, mais il a eu un moment où c'était. Enfin, il y a eu deux moments. Il y a eu un moment où ils sont séparés. Et, moi je l'accepte vraiment pas à ce moment-là parce que je trouve que c'est vraiment craché sur ce qui a été construit sur ces personnages-là. Mais il y a un moment où il n'acceptait pas ce qu'une Amy lui disait parce que il y avait une autre Amy en fait, justement dans l'épisode dont on a parlé. Il y a aussi un moment où il acceptait pas de tuer dans, donc c'était avec les fausses les faux persos, c'était les flèches, je sais plus trop quoi, où il acceptait pas de tuer des répliques de personnes, je sais pas si vous voyez, avec les clones. Oui. Ah oui, où là il était un peu contre Amy le docteur. Ah oui, oui, oui. Parce que il disait, mais ben non, des personnes. Parce que sont, voilà, ce sont des personnes et on ne doit pas les tuer, même s'ils sont pas des personnes, même s'ils sont des identités créées par la science, qui sont pas nées de quelque chose. Enfin si, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué en fait. Ils sont nés de la volonté de copier un être. Ok. Ah, donc voilà. Donc voilà, pour moi, Amy et Rory sont vraiment au top parce qu'on a vécu les pires moments et les meilleurs moments avec eux. C'est vrai. La naissance de leur bébé. Oui, qui n'est pas d'avoir, qui n'est pas d'avoir. En plus, oui, ça engendre toute l'histoire avec son bébé. Avec le moment, l'un des moments les plus badass de Doctor Who, quand même. Et ça revient à Rory. Quand il fait exploser un vaisseau. Une flotte. Une flotte entière. De Cybermen. Oui, mais ça, oui, mais, oui. Oh là là. Et c'est même plutôt le docteur qui fait exploser le truc. Oui. Oui, mais son discours, quand il est dos à la fenêtre et qu'on voit les explosions derrière lui. Et encore une fois, on va en revenir encore à chaque épisode, mais du coup, c'est vraiment un moment où le docteur guerrier, ben voilà, enfin, et c'est assez le propos de ce double épisode d'ailleurs. Voilà, le docteur guerrier, quand même, il y a un moment, mais là c'est une preuve irréfutable quoi. Ah mais absolument quoi. Enfin voilà, pour moi ils sont super importants. Tu parlais de Clara. Oui, Clara. Vas-y. Dans ses débuts, elle était intéressante. Son premier épisode était cool. Le souffle est un dessert très agréable. Souffle Girl. Quand en fait c'était Souffle Girl. Moi j'ai fait partie de ceux qui sur internet disaient, ah bah oui, enfin c'est dommage que ce soit, on va pas spoiler, mais que ce personnage soit ce qu'il est, parce que ça aurait été probablement un bon compagnon. Eh ben, comme tout le monde, il y en a certains qui sont sûrs d'avoir eu raison, hein, je pense que c'est le cas avec toi. Dans le cul, la baguette. Moi, je me dis, j'ai eu tort. Ouais, l'erreur est humaine, j'ai eu tort là-dessus, ça ne fait pas un bon compagnon. Et je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Vas-y, développe. Mais d'abord, vous allez me dire pourquoi vous ne l'aimez pas. Pourquoi vous l'aimez, pardon. C'est moi qui ne l'aime pas. Pourquoi je l'aime? J'ai essayé de le piéger, ça n'a pas fonctionné. Too bad. Je suis trop intelligent pour toi. Ouais. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir, juste une fois. Mais j'écoute tes arguments. C'est une histoire totalement originale de cette fille à voyage dans le temps pour sauver le docteur. Mm-hmm. Elle s'est jetée dans sa propre ligne temporelle pour le sauver. Donc il y a cet amour inconditionnel qui s'est installé, en toute amitié, je le dis, à préciser. Qui s'est installé, et ça c'est beau. Aucun autre compagnon, à part peut-être Rose, mais ça c'est Rose, n'a fait ça pour lui. Bah justement, Amy, elle s'est quand même enfermée dans le cube pour protéger. On l'a enfermée. Non. Elle a choisi de prendre la place de docteur. Voilà, parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un. Parce qu'elle était blessée. Oui, elle était mise là pour ça, mais c'est vrai que c'était pour la. C'est vrai que c'était pour la maintenir. Un point pour moi. Oui, mais attends, parce que. Non, parce qu'elle a aussi choisi. Moi, je te laisse développer tes arguments sur Clara. Après, je vais les démonter. Mais voilà. Donc, le premier, c'est qu'elle est totalement dévouée au docteur au point de se jeter dans la timeline du docteur. Ok. Premier élément. D'accord. Je démonte maintenant ou j'attends un petit peu? Vas-y, démonte. Ok. Je suis ton meuble Ikea. Je te démonte. Il te manque une vis. Alors. Là où, en effet, ça pourrait être éventuellement super bien, ça pourrait être une bonne idée, ok. Mais ça fonctionne pas pour plusieurs choses. Un, c'est pas la première à avoir ce genre de comportement, tu l'as dit, Rose a déjà regardé dans le TARDIS et est devenue Bad Wolf. Elle a traversé les différents mondes parallèles, l'univers. Donc, ça... Ah oui, elle l'a fait. Hein. Ah bon? Ben oui. Ah ça je ne savais pas. Je pensais qu'elle avait juste envoyé les lettres pour le prévenir ou un truc comme ça. Non, par la suite, elle est revenue d'un monde parallèle. C'est vrai. Ouais, oui, avec les Daleks quand elle faisait. Exactement. Ou même avec Donna, on la voit. Elle est présente sur les lieux de plusieurs crimes. Oui. Ensuite, bon, ça c'est surtout cet élément qui la rend importante parce qu'elle est totalement dévouée. Donna, si on n'avait pas wipé sa mémoire, c'est vrai. Elle est totalement dévouée au docteur. Au début, elle le confrontait, mais elle l'aime profondément, quoi. Tu trouves pas qu'elle l'aime profondément? Mais toi, t'es pas fan de Donna du tout. Non, du tout. Donna et Martha, c'est dans le même panier. Ah non, ah non. Pardon, excuse-moi. Ah non, non, non, non. Attends. Je suis d'accord. Je suis d'accord en disant que moi, depuis que j'ai regardé pour la cinquième fois la saison où Martha est là, la cinquième fois, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que Martha, en fait, c'était un bon compagnon. Oui, non, d'accord. Mais donc, oui, ils sont pas mauvais du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé Donna. C'est juste qu'il y a beaucoup qui font « Ah, c'est Donna, c'est Donna ». Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont plu, comme le fait qu'on oublie le côté amour, séduction. Ouais. Ça, je trouvais ça super cool. Le fait qu'elle le confronte oui, beaucoup. Le au premier, elle, la première fois qu'elle monte dans le TARDIS, elle dit oui. « Elle le coq-bloque ». Avec direct friendzone. Mais moi, ce qui me gêne avec Lara, c'est qu'on nous dit qu'elle est importante, quoi. On met les éléments qui font qu'elle est importante. Là où, pour Amy et Rory, c'est un construit, quoi. C'est nous, en tant que spectateurs, en tant que, comment dire, de personnes ayant suivi tout ce développement, où on a compris, on nous a fait ressentir, et quand il se passe quelque chose, on a peur parce qu'on sait qu'ils sont importants, mais en plus parce qu'on le ressent. Avec Lara, on nous dit, hey, c'est quand même celle qui a suivi tous les docteurs, nanana, nanana. Oui. Ok. C'est comme là, tu viens et tu me dis, hey, oh, Jésus est quand même important. Et on t'explique pas tout ce qui. Enfin. Voilà. Là, je pars dans un truc où on peut déchaîner les enfers, mais. Mais. On te dit juste, elle est importante parce que ça. Ok. Ok. Oui. Deuxième argument. Mais moi, je trouve que. Voilà. On nous le dit, on ne le prouve pas, entre guillemets. Mais on nous le montre, mais là où, quand Rose devient Bad Wolf. Ça ressemble plus à une astuce de scénario qu'un construit. Oui, c'est plus genre, elle, on va en faire ça. Que Rose, je suis sûr qu'au début, ils n'ont pas eu la volonté de faire ça avec elle, quoi. Amy et Rory, je pense pas qu'ils aient eu la volonté de. On dirait qu'ils essayent d'installer une sorte de spin-off, mais dédié entièrement à Clara. Oui, mais ça, j'allais y venir après. Mais ça, par contre, je dis non. Mais alors justement, puisque tu cites ça, ce qui me gêne beaucoup aussi avec ce personnage, c'est que finalement, c'est devenu les aventures de Clara featuring de Doctor. Et pas Doctor Who, qui est un compagnon. À partir de quand? Mais tout Capaldi, c'est ça. C'est Clara qui décide, ah non, on va faire ça! Et le Docteur, il fait, ouais, allez, on y va. Le Docteur, il est en charge de que dalle, hein. Et c'est extrêmement chiant, celle qui décide, jusqu'au moment, et là, spoiler alert, attention, jusqu'à l'épisode de sa mort. Moi, l'épisode de sa mort, la manière dont ça s'est passé, vraiment, je fais, mais bien fait pour ta gueule, connasse. Enfin, excusez-moi pour les insultes, mais c'est genre, t'as fait la maligne, mais vraiment, elle a fait la maligne, elle fait genre, ah non, mais c'est comme ça que ça va se passer. Ouais, mais le docteur, enfin, je veux dire, quand il décide, par exemple, de se sacrifier, bah, il a sa régénération, quoi, par exemple. C'est un calcul, enfin, c'est un peu calculé, même si des fois, bon, c'est plus ou moins bien calculé. Là, c'est genre, elle veut faire la maligne, genre, ah, mais non, mais oui, parce qu'en fait, j'ai calculé, c'est comme ça que ça se passe. Eh ben non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, elle ne peut pas mourir. Pourquoi elle ne peut pas mourir? Bah, elle est coincée dans le moment. Le docteur l'a coincée dans le moment. Ouais. Elle aurait mieux fait de la coincer sur une planète où jamais on aurait été la rechercher, ça aurait été vachement mieux. Donc ça va plutôt être les aventures de Clara et moi. Non mais Clara c'est... Ouais. Mais Clara c'est un perso horriblement écrit. C'est genre... C'est comme si du jour au lendemain... Imagine tu fais la première saison de Doctor Who avec Rose. Et en fait c'est Rose qui dit au docteur ce qu'il doit faire. Ouais. Imagine... Et ça, la période avec Clara, ce n'est presque que ça quoi. Enfin surtout à partir du moment où... elle va voir un peu l'envers du décor de comment tout fonctionne avec le TARDIS, la timeline du docteur et tout ça. Ouais, et là, c'est très énervant. Quoi. Il y avait un peu ça avec Donna. Ouais. Surtout que Doctor Who, c'est quand même ce côté d'invitation au voyage en mode « Hey, tu veux voir une planète où les gens parlent en pétant ? Eh ben vas-y, je t'emmène. Enfin, » et c'est un peu ça qui est agréable de suivre le docteur en mode je t'emmène à gauche à droite même si ça se passe pas toujours comme je le veux mais ouais c'est aussi c'est cette manière de dire d'avoir un personnage un peu tout puissant un peu un personnage dieu et un personnage qui vient voir ce qui se passe quoi Ouais, c'est ça, c'est un peu un touriste. Un touriste. Temporel. Temporel, et finalement, via le voyage temporel, un peu omniscient, quoi. Enfin, il aurait cette capacité d'être omniscient. Mais. Moi, franchement, Clara, j'étais très content que ce soit terminé avec elle. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est terminé. Puisque... Je la vois pas revenir. Avec les contrats que Jenna Coleman a ailleurs, je la vois pas revenir. Je l'ai pas suivi. Ouais, là, c'est The Crown qu'elle fait, je crois. Non, pas The Crown, c'est Victoria. Elle joue la reine? Non, The Crown, c'est avec Matt Smith, c'est pour ça que j'ai confondu. Ah. C'est une autre série où elle fait une reine d'Angleterre. Mais, on la voit dans Classe. On la voit dans Classe. On voit son nom. Ah, bah. Ah oui, parce qu'elle a travaillé dans l'école. Oui, d'accord. Et la tirade docteur, le temps n'oublie jamais. Et ouais. Voit son nom, et t'as ce petit sursaut dans son regard qui dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Ouais, mais c'est de la... Excusez-moi, mais franchement, c'est vraiment de la merde. Le voit Classe? Ce qui était... Non, Classe, ah. Ça passe. Mais, non, le vouloir en faire le meilleur compagnon, le compagnon ultime, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que t'écris un truc. Enfin, je vais pas faire des leçons de scénarisation à Steven Moffat parce qu'il a fait de super trucs, mais là, je pense très clairement que le mec, il s'est plus senti pisser, quoi. Il a fait Amy Rory qui était une réussite totale. Peut-être moins sur la fin, hein, mais qui a quand même une belle réussite. Et puis après, il a fait Clara. À mon avis, il voulait faire plus que mieux, quoi. Parce qu'il y avait eu Amy Rory. Et sauf qu'en fait, c'était pas possible avec l'ambition qu'il avait, parce que alors ça discrédite totalement le docteur. Mais ça le fait passer au second rang, tout simplement. Mais oui, mais du coup c'est pas ça. Enfin, en tout cas moi c'est pas ça que je voulais. En tout cas pas de cette manière-là. Parce que moi à chaque intervention de Clara, c'était très irritant, quoi. C'était presque désagréable parce que c'est genre. Tu mets tes claques. Mais limite j'aimerais dire mais allez quoi. Elle fait. J'ai vraiment eu un accent très belge en disant allez quoi. Allez quoi. Je me suis rendu compte les uns ça fait allez quoi. C'est vraiment c'est le patron quoi et ça le docteur limite il l'accepte. Et non enfin quand t'as eu docteur Donna. Ouais. Le docteur il savait très bien que c'était pas bien. Ouais, que c'était pas viable. Hein. Que c'était pas quelque chose qu'il fallait. Pas parce que chacun sa place et puis voilà. Non parce qu'il disait il y a une responsabilité à faire toutes ces choses, à faire tout ça, une responsabilité qui n'est pas envisageable, qui n'est envisageable que par le docteur en fait. Il a à la fois le plaisir de pouvoir voir tous ces endroits, mais aussi la responsabilité de beaucoup de choses. Ouais. Et ça, cette responsabilité, parfois, ça l'a mené à faire des choses assez exceptionnelles. Ouais. Alors quand j'ai exceptionnel, pas forcément bien. Ouais. Par exemple avec la Gallifrey Falls No More, voilà, c'est ouais. Quelque chose d'exceptionnel, mais est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est pas en bien, voilà. Et moi je défendrai Martha jusqu'à la fin des temps et au-delà, mais je ne dirai jamais que c'est la meilleure, mais je le défendrai, c'est pas un horrible comme je le disais, même si ce que disait David Mourie était très intéressant. Lui il disait après une relation il faut un rebound sexe. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, Martha, c'est le rebound sex de... du docteur après Rose. C'était un bouche-trou, quoi. C'était un moyen de se consoler. Ah, d'accord. C'est ça, le ça pot de glace, le gros pot de glace après une rupture. Ouais, mais ça sert films, le rebound sex, genre. Ah. Tu vas baiser avec quelqu'un sans sentiment, juste histoire de te défouler, quoi. D'avoir autre chose en tête. Y a pas enfin, c'est un truc qui se dit, je conseille pas ça aux gens. Parce que je pense que ça. Moi aussi, mais avec moi. Ah oui. Donc voilà, est-ce qu'on va terminer sur cette bon, conversation? Moi, j'ai rien à dire, voilà. Ouais. Donc en gros, on cite surtout, si on prend les avis de tout le monde ici, surtout Amy Rory en fait, qui ressortent. Qui ressortent, mais en gros, ils ont tous été plus ou moins bons. Bon, Clara, moi je supporte pas, mais c'est parce que c'est moi et c'est Clara. Mais voilà. Est-ce qu'éventuellement, je vous propose, avant de partir en petite interview musicale, si ça vous va, que je fasse ma petite chronique. Ah, vas-y. Alors, je me suis lancé le défi de regarder quelques films. Par exemple, à courant de la semaine, j'ai regardé 5 films. Et je me suis lancé le défi d'en écrire une chronique. Voilà, je vous fais la critique de ces films-là. Et je vais essayer de faire des micro-chroniques. Donc, je vais aborder assez peu de choses, mais voilà. de faire la critique de 5 films, mais le tout en moins de 2 minutes. Et j'ai sous la main le chrono. Alors je vais juste faire un disclaimer avant de lancer le truc, parce que je vais parler d'un film qui mérite un disclaimer. Parlons un petit peu du rôle des femmes dans le cinéma. Moi, je suis tout à fait atterré quand je vois que certains rôles qui peuvent être octroyés à des femmes sont octroyés à des hommes. Avoir des rôles féminins importants qui sont totalement mis de côté. Avoir la représentation des femmes qui est totalement mais horrible dans certains trucs. Je veux dire, les femmes, elles ne sont là que pour être un intérêt amoureux, ou ce genre de choses. Ou, ouais, ouais, ouais. Ou que pour servir... que pour servir comment dire, l'homme, quoi. L'homme qui est en charge des choses. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, Doctor Who, je trouve ça intéressant justement que ce soit souvent une femme. Dans Stranger Things aussi, c'est aussi un monde de femmes. Moins que dans. Et quand c'est eux qui sauvent la partie. Oui, c'est vrai. Twin Peaks, c'est vraiment une série de femmes fortes et de. Mais, par exemple, quand c'est Rose qui sauve la partie, mais moi je trouve ça logique, c'était construit. Elle n'est pas là comme ça. Voilà. Donc, petit disclaimer. Et pourquoi je fais disclaimer? Parce que le premier film dont on va parler, c'est Ghostbusters. Ils ont eu la volonté de faire quelque chose avec ce film. C'est faire une version féminine d'un film d'une équipe masculine. Voilà, parce que c'était vraiment des gros machos. Hein. Et ah là là. Non, mais là où je dis, c'est pas le film le plus macho, donc je comprends pas le délire. Maintenant, je peux comprendre tout à fait de se dire, ah ben là, c'est une équipe entièrement d'hommes, va faire une version féminine, on va choisir ça pour faire une équipe de femmes. Moi, je trouve que la volonté est tout à fait louable. Maintenant, j'aurais préféré voir un délire comme ça sur genre Fast and Furious, quoi. Ouais. C'est genre, et si on faisait une équipe où en fait, c'est pas forcément... Enfin, le rôle des femmes est un petit peu différent. Bah, t'as toujours Michel Rodriguez, mais c'est toujours le souci, c'est que en dehors de ce personnage-là, les autres femmes, c'est vraiment genre des... Bah, c'est juste des physiques, quoi. Des chauves-couches. Et donc ça, c'est un peu problématique. Je vous propose de lancer le chronomètre parce que je vais partir en chronique. Attention, et 3, 2, parti. 1, allez. Alors le premier film, c'est Ghostbusters, sorti en 2016, réalisé par Paul Feig. Alors, c'est un reboot con, vulgaire, la réalisation est plan-plan, les personnages sont insupportables, il n'aura pour lui que l'ambition d'offrir une plus grande représentation des femmes dans les films, malheureusement, c'est en faisant de l'un de ses personnages masculins un homme con, ridicule, qui n'est là que pour son physique. Alors c'est bien dommage. Voir une plus grande égalité homme-femme dans le cinéma est logique et louable, mais renverser la situation actuelle qui est totalement déplorable pour une autre situation déplorable... Enfin, vous voyez un petit peu l'idée que j'essaie de développer. Ouais. Mais le film se regarde tout de même parce que bon, il y a Kristen Wiig et Kate McKinnon, mais elles restent tout de même plus douées dans le rôle qu'elles incarnaient dans le SNL. C'est la même chose pour Leslie Jones, plus efficace au SNL, qui là devient un cliché de femme raciste noire américaine. C'est un film absolument à fuir. Deuxième film, c'est Collateral, sorti en 2004 par Michael Mann. Alors décidément, Tom Cruise sait absolument choisir ses réalisateurs, cette fois-ci pour incarner un perso à contre-emploi. Le film est correct, mais je comprends pas du tout la hype qu'il a, et j'ai l'horrible impression de voir Tom Cruise avec un costume et pas de voir un véritable personnage. Et ça, c'est sans parler de Mark Ruffalo, qui a dû perdre un pari pour accepter de se grimer ainsi parce qu'on dirait un chanteur de boys band. C'est dégueulasse. Alors, il y a certains plans qui sont tout de même magnifiques, comme le plan avec les loups, je vous le conseille. Alors, film suivant, Solaris, sorti en 2002 par Steven Soderbergh. Alors, c'est beau, intelligent, c'est pas assez souvent cité. J'aurais aimé qu'il soit un peu moins explicite sur certains éléments, mais c'est un excellent film à voir absolument, je vous le conseille. Ensuite, Jack Reacher, sorti en 2012 par Christopher McQuarrie. Encore un Tom Cruise, mais cette fois-ci le Tom Cruise héros. Le long métrage est efficace, avec des scènes d'action qui donnent envie de crier « fuck yeah ». Dommage que le dernier acte soit un peu moins bon. Et là, c'est fou parce qu'on a Werner Herzog totalement fou et Rosamund Pike. Alors, un film avec Rosamund Pike, ça se dévore avec plaisir parce que c'est Rosamund Pike et tous les films avec Rosamund Pike sont magnifiques. C'est le cas de Doom. Oui, c'est une vanne. Et enfin, Photo de Paradise de Ryan De Palma. C'est étrange, beau, fascinant et ça conseille à tous les amateurs de films avec un caractère fort, aux amoureux de très beaux décors et de très beaux maquillages, aux mélomanes, aux cinéphiles, à ta mère, à ton père, à ton frère. Voilà. Voilà, tu as 2 minutes et 6 secondes. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai pas réussi à le faire en 2 minutes. Ouais. Mais c'était beau. Ouais. Donc, t'as, cinq, t'as passé trop de temps sur Ghostbusters. Oui, mais c'est parce que ça méritait d'être abordé. Je vais quand même, parmi ces films-là, vous dire les films qui sont absolument à ne pas rater. Pour moi, Solaris est un chef-d'œuvre. donc à regarder par Soderbergh. Phantom of the Paradise également, mais j'ai une petite préférence pour Solaris. Après le reste c'est des films corrects ou dégueulasses donc sont pas indispensables donc voilà, mais vraiment les deux de la semaine, en tout cas de l'émission, à favoriser, c'est Solaris et Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est sorti, je sais pas si j'ai précisé, en 1974. Agréable. Je suis vraiment pas bon pour parler rapidement du coup je suis essoufflé. Voilà. Et ben voilà, tu vas me faire 15 minutes de slam tous les jours. Et puis, Je vais m'entraîner, monsieur. Alors, avant de partir en critique de l'épisode, je vous propose de partir en musique. Allez, petite pause musicale. Voilà, on est de retour. Et oui, et oui. Re. Alors, donc on part en critique. Il y a eu un petit blanc où moi j'avais plus de retour, mais j'avais oublié que mon casque ne fonctionnait plus sur Acereo. Donc l'épisode dont on parle aujourd'hui, c'est l'épisode de Long Game, qui se charge d'un petit résumé. Faut qu'on tire à la courte paille parce que personne n'aime faire ça. Ouais. Ah, allez, je ne suis pas la courte paille, mais je pars en résumé. Allez, oh, let's go. Oh, quel prince. Donc, suite à l'épisode précédent, qui est l'épisode d'Alec, le docteur propose, enfin, part dans le futur pour permettre, en fait, à Rose de montrer, c'est Adam, hein, le prénom du oui, mec, c'est lui. De montrer à Adam, pour un petit peu l'impressionner, le futur de l'an 200 000, dans une station d'observation. Donc ils arrivent dans cette station qui est une station en fait de diffusion de news qui s'appelle Satellite 5. Voilà. Et donc il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que les gens sont un petit peu des outils qui permettent de transmettre les informations en les passant par leur cerveau. Voilà. Des ordinateurs humains. Sont clairement des ordinateurs humains. Et certains sont choisis pour avoir une promotion, être envoyés dans les étages les plus hauts. L'étage 500, dans lesquels, paraît-il, les murs sont faits d'or. Incroyable. Mais en fait, c'est pas si beau que ça. Parce qu'ils sont faits de glace, parce qu'un personnage... Il y a plein de cadavres partout, et un personnage qui s'appelle le Géographès y réside et, en fait, a besoin d'être... Au frais, parce qu'il dégage beaucoup de chaleur. Et en fait, il contrôle un petit peu tout ça pour un petit peu modeler l'humanité en fonction de ses besoins. Et il a une sorte de valet, de servant, dans le personnage de Simon Pegg, enfin, voilà, l'acteur Simon Pegg, qui va l'aider dans ses plans machiavéliques. On va appeler ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Alors, moi, c'est un épisode qui est un peu comme The End of the World. Oui. Un épisode que j'aime encore bien. Encore une fois, dans une sorte de station spatiale. Oui, parce que c'est vraiment du Doctor Who. On est vraiment dedans. C'est vraiment ce côté un petit peu funky sci-fi, pour que ça rime. Un petit peu ce côté funky, un petit peu en mode... Et regardez, là-bas, on a des punks à crête mauve. Il y a des stands de nouilles vivantes. C'est complètement fou, il se passe des choses, c'est incroyable, on a des technologies dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Ouais. On a des passages un petit peu dégoûtants avec on a des monstres en pâte à modeler géante, enfin c'est vraiment formidable. Et voilà, donc moi c'est un épisode que j'aime bien pour ce genre de raison, par nostalgie, parce que son épisode en lui-même, c'est pas l'épisode fou, mais en fait, en le regardant à nouveau, j'ai trouvé meilleur que dans mes souvenirs. Il est pas excellent, hein, mais c'est un épisode normal de Doctor Who. Mais par contre, j'aime bien le pitch. Et j'aime bien le Jagra Fest. Déjà parce qu'il y a un nom rigolo qui finit en fesse. D'ailleurs, ils font des jeux de mots là-dessus. Ils appellent le Jagra, je sais plus comment. Et, parce que justement, c'est... Mais justement, en anglais, fesse, tu vois, ça peut rien dire. Ouais. Et du coup, il y a le Jagra, je ne sais plus trop quoi, que Rose dit à un moment parce qu'elle essaie de le nommer, mais voilà. T'en as pensé quoi, Al? Pas grand chose à dire non plus là-dessus, juste être un bon épisode, on va dire dans le niveau moyen de cette première saison. Oui. Le seul petit point, c'est Adam, qui à mon sens est également un personnage énervant. Un petit trou du cul. Ouais, mais il va ça aborde une problématique. C'est vrai que La problématique économique dont Doctor Who, on s'y attarde pas trop. Enfin, je veux dire, le docteur, c'est pas un gars qui a besoin de s'enrichir, il a pas besoin de faire du commerce. Ouais, il a techniquement des crédits infinis sur beaucoup de choses. Voilà. Et donc, du coup, il s'en fout un petit peu de faire du commerce, de faire avancer la technologie de qui que ce soit. Et Adam, lui, il ne veut pas intervenir. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il n'en a pas le besoin. Non seulement ce serait mal de le faire, mais en plus il n'en a pas le besoin. Tandis qu'Adam, c'est un humain avec ses défauts, ses vices, ses envies. Et lui, ramener des technologies futuristes dans le présent... pour pouvoir en fait s'enrichir, s'en emparer et être le papa de ces technologies-là. Bill Pond, hein. Ok. Bill Portail. Donc c'est vrai que c'est un personnage intéressant. très intéressant parce qu'il est irritant quoi. Voilà. Vraiment, il est détestable, insupportable. Mais intéressant quoi. On peut dire qu'il est très ouvert d'esprit. Oh, il a son cerveau, enfin son cerveau, son crâne qui s'ouvre. Voilà. Moi, il y a une petite chose que j'aimerais bien citer. Il y a par exemple le docteur qui parle de Paris et qui m'a un petit peu fait rire. Ouais. Où il dit allez à Paris, dépensez beaucoup trop d'argent pour le séjour que vous allez faire, embrassez un étranger. Enfin, il y a peut-être comment qui fait ce genre de choses. Et parce que ça le situait vraiment comme une sorte de touriste en fait. Ouais. On a parlé plusieurs fois de son côté. Il a envie de voir les choses. Il le cite dans l'épisode. C'était quoi ? C'était World War III et enfin ouais, l'épisode avec les cities en tout cas où il dit c'est pour ça que je voyage, c'est pour avoir voir l'histoire se passer devant mes yeux. Mm-hmm. Et là ça se resitue tout à fait là dedans. On cite à nouveau Bad Wolf dans l'épisode tout à fait. Avec Bad Wolf Channel. Alors c'est assez marrant, ouais, parce que justement sur ce channel on signale que le Face of Bo attend un heureux événement. Il l'a pas déjà eu? Ah non, là on signale ça. Ah, moi de ce que j'ai retenu, d'ailleurs j'ai noté, on signale en fait son, comment dire, sa grossesse. Oui, c'est. Ouais. Alors je trouve ça marrant en fait qu'ils aient associé le Bad Wolf Channel parce que avec The Face of Bo, parce que finalement en fait c'est deux choses qui sont tout le temps présentes, mais qui en fait se révèlent être des éléments qu'on connaît, enfin, sans spoil. Mm-hmm. J'ai eu le plaisir de voir Simon Pegg dans l'épisode. Oui, moi aussi, il tient pas un rôle fou, ni un rôle qui le met vraiment en valeur. Mais j'avais lu une interview où en fait il expliquait qu'il avait, des années après, quand il y a eu son pote Nick Frost, qui a eu un rôle où il a joué le Père Noël, on lui a posé la question, voilà, à l'époque je crois qu'il tournait Star Trek, et il expliquait qu'en fait il avait regretté un peu, il est très content d'avoir fait Doctor Who parce qu'il est fan. Ouais. En fait, il regrettait d'avoir eu ce rôle-là. Ouais, et que s'il avait dû choisir, il aurait choisi autre chose. Pas pour dire genre, ah, oh, j'ai eu un rôle dans un mauvais épisode, c'est pas ça, mais pour avoir quelque chose d'autre. Ouais. Son pote Nick Frost, lui, a été le Père Noël, quoi. Ouais. C'est que lui, c'était un petit laquais d'un. Ouais, du Jagrafès, et du coup, voilà. C'est un épisode que je trouvais plutôt cool. Les persos secondaires sont un peu du nul, mais ça passe, quoi. Ouais. Oui, moi, comme je dis, hein, c'est pas un truc qui m'a fait du mal à regarder, mais j'aimais bien le regarder, voilà. C'est vraiment. Et cette fois-ci, la personne qui met un terme au conflit en faisant un acte qui possiblement cause la mort du personnage comment dire, d'antagoniste, ce n'est pas le docteur. En effet, c'est vrai ça. C'est donc cette jeune journaliste qui décide de retourner le système contre les fesses. Voilà, et en remontant la chaleur vers l'étage 500. Voilà. Et donc finalement là le docteur lui qu'il était là ou pas, enfin il est ça a démasqué le truc quoi. Ça a démasqué le truc mais c'est pas lui qui a mis en fait non, il a forcé le truc parce que le journaliste était déjà sur les traces. Elle se doutait déjà qu'il y avait Anguille sous roche. Oui, mais bon, c'est pas. Il serait probablement rien passé si le docteur n'était pas intervenu. Mais finalement, c'est pas lui qui dit allez, c'est bon, c'est fini, on va rediriger les missiles comme dans certains épisodes. Ici, non, il a été fait prisonnier, il est libéré grâce à l'intervention de ce perso-là. Ouais. Ah ouais. Et c'est elle qui met un terme au truc. Donc finalement, là, il est pacifiste dans le truc. Même si il le demande. Il demande à Simon Pegg de le libérer en disant tu vas voir en gros de quel bois je me chauffe, mais en gros c'est juste mettre des mandats dans la gueule. Mais vraiment, il le dit, il le dit clairement. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre à amener sur cet épisode ? On voit grand chose. C'est pas un épisode qui m'a vendu du rêve comme Dalek. Oui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est permis d'être plus long sur la première partie de l'émission. Parce que moi, cet épisode-là, c'est un épisode correct avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses correctes, mais qui ne suscitent pas beaucoup la conversation. Les décors. Ouais, j'ai trouvé les décors sympas. Les décors d'espèces d'Underworld, enfin, quand ils arrivent dans. Ouais, t'as l'impression que c'est une sorte de. Comme il y a certaines stations de métro où t'as les commerces underground. C'est un peu ça, quoi. Voilà. J'aime bien cette esthétique-là, j'ai trouvé chouette. Deux, trois éléments de mise en scène, genre le moment où les gens repartent travailler après la pause de midi, où vraiment tout ferme d'un coup. Oui. Ce côté un peu surréaliste qu'on va revivre en ville, en vrai. Sur le temps de midi. Ça fait penser à l'épisode, ouais. À l'épisode Gridlock. Gridlock, pardon. Parce que j'ai essayé de retenir le fait d'éternuer. Du coup, je parle du nez. Gridlock, qui est l'épisode dans lequel il y a un bouchon. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a cet élément-là où à un moment, les commerces rouvrent d'un coup et se referment d'un coup. Alors, ça, c'est plutôt cool. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose à savoir. Enfin, non, c'est un épisode qui ne suscite pas. C'est juste une aventure. Il y a quand même quelques petits détails comme noter. Pour le soundtrack, ouais, les petits sons qu'on entend. Lorsque l'héroïne, celle qui essaye de sacrifier... se connecte à la machine par la pensée. Oui. C'est le bruit d'un sabre laser. Ah bon ? Ah putain, je savais pas. J'ai pas envie. Elle dit, un peu avant, quand elle explique ce qui se passe dans la station au docteur, elle dit « Chaque info est diffusée dans l'Empire. » Ah, ouais. On paye en crédit. Ouais. Comme dans Star Wars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, éventuellement, qui pourrait... Non, l'empereur, il ne tire pas les ficelles depuis l'ombre. Quoique, un petit peu, quand même. Ah, si, clairement. Enfin, si. Je veux dire, quand tu vois Snoke, Palpatine. Ouais. Ils sont toujours avec leur capuche. Ouais. Et finalement, c'est un mec qui est le mec qui va confronter les autres. Là, Simon Pegg, mais ça pouvait être, par exemple, Dark Maul. Ouais. Vador. Ouais, en effet, oui. Ah oui, bah écoute, De rien, j'ai envie de te dire de rien. Ouais. Et puis il y a des décisions très politiques en fait. Ouais. Je pense par exemple, à un moment elle explique pourquoi il y avait ces différenciations avec la Terre et tout, pourquoi maintenant tout est isolé de la Terre. Et il dit, bah, c'est un amas de quelques petits événements qui sont faits et que ça se passe comme ça. Mmh. Et c'est un peu ça dans Star Wars où des fois il y a des décisions politiques. Ouais. Qui font qu'on va prendre cette décision politique là parce que ça nous arrange par rapport à ça, et finalement ça va générer un conflit. Et voilà, ça c'était surtout dans la prélogie. Ouais. Donc forcément, c'est à prendre avec des pincettes. Ouais, des grosses. Enfin voilà. Sinon, voilà, il y a d'autres choses, des éléments que tu avais notés. Je crois qu'il en reste deux. Mm-hmm. Parce que j'ai une liste sous les yeux. Le Nokia 3310 de Rose. C'est pas un 3310, je crois que c'est genre un modèle un peu après, parce que 3310, il n'y avait pas d'écran couleur. Ah oui, ça je sais, c'est en vert, oui. Et c'est... là, c'est un écran couleur. C'est élu le meilleur téléphone de tout le temps, tout le temps lui-même. Selon Doctor Who. Selon, oui. Et les lampes torches existent toujours en l'an 200 000. Pour le téléphone, c'est téléphone que... Ouais, c'est avec la carte spatio-temporelle du docteur. Ouais, c'est le téléphone que Rose avait au début du truc, quoi. Au début de l'aventure. Qu'elle lui donne dans The End of the World. Oui, dans The End of the World, en fait, le docteur propose de modifier son téléphone pour pouvoir l'appeler. Et il rajoute une sorte de carte SIM un peu chelou pour ça. Donc voilà, maintenant, ici, j'ai les lampes torches. C'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens. D'un autre côté, basiquement, c'est difficile. Enfin, je trouve que la lampe torche, c'est un bon truc, parce que basiquement, que faire d'autre, un orbe lumineux, de la lumière avec tes yeux, enfin, tu vois, c'est... de la lumière avec tes yeux. Transformer tes yeux en phare. Non, basiquement, voilà. Après, on ne dit pas comment elle marche, donc. Si ça tombe, elle n'a pas le même mode de fonctionnement. Même énergie. Elle fonctionne à l'amour. Ouh. Ce serait beau, ça. Ce serait trop beau. Bon, c'est un épisode vraiment de mi-saison. C'est vraiment, là, on est sur une sorte de rythme de croisière. Il n'y a pas de chamboulement. C'est du filler, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça passe, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire. Et heureusement, d'un certain point de vue, ça n'a pas resté comme ça. Non. Parce qu'il y a un chamboulement dans l'épisode suivant. On a cité dans l'épisode précédent... le fait que j'étais très content d'avoir enfin notre premier véritable bon épisode avec Dalek. Ouais. Mais là, on va peut-être avoir un premier véritable épisode un peu fou. Enfin, fou. Déjà, il y a le jeu avec le voyage dans le temps. On est à quoi au suivant ? Father's Day. Ah oui. D'accord, prochain. Ouais. Un petit peu. On aura enfin nos premières belles créatures. Ouais. Plus ou moins. Ouais, c'est un point de vue. Je sais bien que tu le décètes. Tu le détestes. Alors je le décète très très fort. Ouh. Enfin voilà. Et aussi, il y a un personnage qui se présente comme une anarchiste. Donc la jeune fille. Suki. Ah oui, Suki. Mm-hmm. Ah oui. Et c'est plutôt intéressant parce que. Il y a eu un mouvement très anarchiste en fait en Angleterre, donc c'est aussi quelque chose de très anglais. Bah ouais, toute la mouvance punk d'une manière générale. Donc voilà, même dans les choix de background de certains personnages, ils sont restés très anglais. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais par rapport à ce personnage, on est bien d'accord qu'à la fin, ce n'est pas un spoil, elle décède. Mmh. Oui, oui. Mais comment elle fait pour lui attraper la jambe? C'est le jagrafesse qui fait attraper la guibole. Ouais. C'est tout à fait possible. Parce qu'elle a le regard vide. Donc, est-ce que parce que le jagrafesse a perdu ses pouvoirs, elle lui reste encore un peu de vie parce qu'elle est morte, soi-disant, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Du coup, elle récupère un petit peu de sa conscience et décide de l'attraper, genre, tu vas pas t'en sortir comme ça. Ou alors le jagrafesse, parce que le mec abandonne, hein. Ouais. Il se casse. Et le jagrafesse, peut-être qu'il contrôle encore le corps de Suki et décide de dire ah ben non je me fais avoir, tu te fais avoir aussi. Mais c'est vrai que c'est pas expliqué. Ouais. Mais l'un comme l'autre, c'est de possibilité, c'est soit l'un soit l'autre. Moi je pense plus que c'est Suki qui récupère une sorte de conscience. Suki, tu vas gagner la reverb du mec chiant avec tes notes de merde. Donc voilà. Est-ce que éventuellement on clôture cet épisode? Moi, je suis pour. Est-ce que je termine avec Monsieur Chiffre? Bien sûr, j'allais oublier, vu que tu es là. Un épisode sur deux, ben. On perd ses habitudes. Oui. Oui, voilà, on oublie ces habitudes-là. C'est pas habitude, je voulais dire, c'est pas protocole, c'est. C'est un mot, je suppose. Oui, c'est un mot que je cherche. Ah, non, c'était plutôt une sorte de fruit. voilà. Tradition. Ah, voilà. Tradition. Oh là là, il est tard. Ouais, c'est tard pour 18h30, l'heure de faire dodo. Oh là là. Donc, épisode réalisé par Russell T. Davis. Mm-hmm. Réalisé ou écrit? Réalisé. Ah, il a réalisé? Ah oui. Ah, ok. Je sais bien qu'il s'est écrit par lui. Bizarre, mais. Mais je savais qu'il a réalisé. Ok. Diffusant... Je ne vais pas te tromper si je te casse la gueule à la prochaine émission. Tu sais que j'aime ça. Sur Dave Click. Oh oui. Diffusé le 7 mai 2005 en Angleterre. Le 26 novembre 2005. En France, sur France 4, et a réuni 8,1 millions de téléspectateurs. Ouais, c'est un très bon score, ça. Qui augmente pour Father's Day. Ah ouais, parce que Father's Day. Mais c'est bizarre, ouais, parce que Father's Day, finalement, ils pouvaient pas savoir que ça allait être un épisode qui allait marquer autant. Mais là, 8 millions, c'est parce que la moyenne, c'est autour de 7 millions, le reste 6-7. 6-7. Du coup, là, c'est une petite augmentation, ce qui est tout à fait. Appréciable. Tout à fait appréciable, tout à fait. Ah, ils ont peut-être eu les bons échos de Dalek. Ah, peut-être que les gens en fait ont suivi par rapport à Dalek. Les gens ont dit, ah, faut regarder, c'est super. C'est tout à fait possible. Je pense qu'on peut clôturer l'émission. Oui. Bah oui. C'est une bonne heure. Alors, on se retrouve d'ici peut-être, on va dire 2-3 semaines. Ouais. Quelque chose comme ça. Mmh. On parlera de l'épisode Father's Day. Il faudra voir qui dans l'équipe sera là, mais d'habitude, il y a toujours moi, Harry, et toi ton son d'après. Tout à fait. Toi tu es là généralement une émission sur deux, oui. Et en alternance avec JT. Jean le Thomas. Ce serait bien qu'on essaye de faire des émissions où... à quatre ce serait pas mal. Puis on est fou. Puis il y a Kiki. Parce qu'on a investi, c'est vrai que là depuis l'émission dernière on a du nouveau matos. Ouais. Parce qu'on a la table de mixage, on a la possibilité d'avoir un micro par personne. Ça s'entend pas forcément parce que... c'est pas parce qu'on a un micro que tout le monde parle en même temps comme des gros sagouins. Ouais, ou que les gens sont plus parloteux. Hein. On invente des mots. On a les retours casques aussi, c'est plutôt ouais. Cool. Ouais, ouais. On a les effets, je peux balancer de la reverb, par exemple comme ça. C'est incroyable. C'est probablement insupportable à écouter. Mais je peux le faire. Et ça n'a pas de prix. Et on peut aussi envoyer des jingles en live, tout comme là je vais gentiment balancer la amorcer. Musique de ouais. Fin d'épisode. Je vous ai choisi un petit Doomsday. Allez, on va pleurer. On va chialer. Allez, c'est parti. Donc voilà, n'oubliez pas de nous mettre les 5 étoiles sur iTunes si vous avez aimé cet épisode, de vous abonner sur PodCloud et de nous faire des câlins si vous nous croisez en vrai. Et envoyez-nous des mails, des messages, des trucs pour nous dire. C'est qui votre préféré? Qui est votre. Voilà, ça déjà, il n'y a pas besoin, je sais bien que c'est moi. Donc, voilà. Non, mais qui est votre compagnon préféré, pas dans l'équipe, parce que. Ah, oui. Ah, parce que, sinon, ouais, on va chialer. On sait bien c'est qui. Ah, les gars. Alors, les gars, on se retrouve quand? On se retrouve dans 2 semaines? On se dit 2 semaines? Pour Noël? Oui. Oui, bah, écoute. Je, parce que oui, dans 2 semaines. La semaine prochaine, oui. Je ne fais pas spécialement de choses. Je sais pas toi. Faudra voir avec JT si on s'est enregistré la semaine okay. prochaine. Ce qui fait que 3 semaines de suite, on a enregistré tous les week-ends. Eh ben ça, c'est beau. Si c'est pas beau, tout ça. Hein. Ça, c'est incroyable. Allez, je vous fais des bisous. Bisous pour la fin. Et à bientôt. Un petit mot pour la fin. Pizza. Millennium. Funambule. Allez, à plus. Bisous.